وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم في cette soirée du 1er Muharram 1429, c'est-à-dire le 9 janvier 2008, بإذن عز وجل. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une fausse manœuvre. Et j'ai fait redescendre les mains. C'est-à-dire, j'ai fait redescendre les mains sans le vouloir, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne ceux qui lèvent la main, bi'idhna azzawajal, sachez que les questions ne doivent porter que sur la aqida. Les questions ne doivent porter que sur la aqida. Ou bien le dars, ou bien sur le dars de la aqida, ou bien en général sur ce qui a rapport avec la aqida, le dogme, le credo, la croyance du musulman. Non, car la aqida, on est vraiment loin. Il faudrait donc poser beaucoup de questions, inshallah ta'ala, dans la aqida. Tayyib, aujourd'hui, le titre c'est, comme a dit ici l'auteur, Ithbatul kalami lillah azza wa jal. Non, éprouver la parole d'Allah azza wa jal. Éprouver la parole d'Allah azza wa jal et que Allah azza wa jal parle. Et que Allah azza wa jal parle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir sur la parole de Allah Azza wa Jalla, inshallah ta'ala. ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى. نعم. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que l'auteur, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, a cité les versets qui prouvent que Allah Ta'ala parle. نعم. Il dit Inch'Allah Ta'ala exactement 11 versets. Versets, Inch'Allah Ta'ala, on va dire verset 122. قال الله تعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا. Et il a dit aussi ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا. Dans le premier verset, Allah Ta'ala a dit « وَمِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » C'est sourate An-Nisa, verset 87. Et le deuxième, « وَمِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » Toujours sourate An-Nisa, mais verset 122. طيب. Lorsque Allah Ta'ala a dit « وَمِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » C'est-à-dire « et » qui est plus véridique qu'Allah en parole. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Donc c'est clair que Allah Ta'ala parle. Car il a dit, et qui est plus véridique que Allah en parole. Il a dit aussi, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en ses dires, en ses propos. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala dit et qu'il a aussi des propos. Non. Et quand il a dit asdaq, waman asdaq, qui est plus véridique, véridique. Le mot véridique ici, ou bien l'adjectif véridique, prouve que quoi? Prouve que Allah Ta'ala parle. Car on décrit de véracité les paroles. On dit ces paroles sont véridiques, ou bien ces paroles sont quoi? Sont des mensonges. Ensuite, le troisième verset. Car j'ai cité deux versets à la fois. Le troisième verset, lorsque Allah Ta'ala a dit dans le Coran, sourate Al-Ma'ida, verset 116, il a dit, « Id qala Allahu يا عيسى ابن مريم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. Et lorsque Allah Ta'ala dira, en principe il a dit, hein, il a dit, lorsque Allah Ta'ala dira à Isa, c'est-à-dire à Jésus, et lorsque Allah Ta'ala dira à Isa, non. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il dira, donc il dira, il va parler, où Allah Ta'ala dira au fils, au Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit? Naam, muslim, alhamdulillah. Peut-être que tu connais pas la règle, inshallah ta'ala. Jazakallahu khair pour avoir cité le verset. Inshallah ta'ala, regarde comment c'est la règle. Inshallah ta'ala, tu ne cites que ce que je dis. Naam, pourquoi? Quand tu cites plus, ça va faire des embrouillements dans la tête. Parce que les gens vont lire tout ce qu'il y a. Naam, vont lire tout ce qu'il y a, ils vont pas savoir où est le témoin du dars. Où est le témoin du dars? Ici, le témoin du Darcy, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, c'est tout. Allah dira, ça veut dire, il dit. Hein? Ça veut dire que Allah Ta'ala dit, naam. طيب. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت La yumathilu aswat al-makhlouqin. C'est très important ce qu'a dit ici l'auteur. Naam, il a dit que c'est pour ça que le credo et la aqida de Al-Sunna ou Jama'a, les gens du consensus, hein, de la Sunna et du consensus, en ce qui concerne la parole d'Allah, c'est quoi? Car beaucoup de gens ne savent pas. Il dit Allah Ta'ala, il parle, mais comment qu'il parle? Il ne sait pas. Naam. C'est un langage. Il parle des paroles yani, extériorisées ou bien en son intérieur. Comme disent les Maturidiyya et les Asha'ira. Il ne sait pas. Tu lui dis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a des lettres. Elle a des lettres quand il parle avec des lettres. Il dit je ne sais pas. Et comme ça. Et toi, pour être vraiment dans le din, il faut d'abord être vraiment dans la aqida. C'est le plus important dans le din. Naam. Le din, ce n'est pas seulement comment je fais la prière, ni comment je divorce et je fais le khola. Mais le din, c'est d'abord la aqida. J'apprends d'abord la aqida. Aujourd'hui, j'apprends la parole d'Allah. Demain, ce qui a rapport avec sa main. Après demain, ce qui a rapport avec ses yeux. Après demain, ce qui a rapport avec sa colère. Après demain, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Jusqu'à ce que ma aqida soit bi'idna azzawajal parfaite. Soit bi'idna azzawajal parfaite. D'ailleurs, le prochain dars qui viendra, inshallah, si on termine celui-là aujourd'hui, le prochain dars qui viendra, c'est la vision ou bien la vue d'Allah. Je veux dire par la vue d'Allah, c'est pas que Allah Ta'ala voit, non. C'est que nous allons le voir. Comment on va le voir? Enfin, les croyants vont le voir, comment vont-ils le voir, etc. Et montrer ce que disent les gens de la bid'a et ce que disent les gens de la sunna. Car en fait, quand j'ai dit maintenant la aqida, c'est quoi? Ce sont des nœuds. On noue le cœur sur quelque chose. C'est pour ça qu'on dit ya'qidu 'uqdatan. Il a noué. Donc il a fait des nœuds. C'est ça la aqida en arabe. Naam. À chaque fois tu fais un nœud. Aujourd'hui tu fais un nœud dans ton cœur en ce qui concerne la parole d'Allah. Tu sais tout sur la parole. Demain tu sais tout sur la science d'Allah. Après tu sais tout sur les pieds d'Allah. Ensuite, tu sais tout sur le rire d'Allah. Ensuite, tu sais tout. Et comme ça, jusqu'à ce que, petit à petit, jusqu'à ce que ta aqida soit toute, bi'idna azzawajal, parfaite et pure et saine et ne contient pas de bid'a. Ne contient pas de bid'a. Car la bid'a, quand elle est dans la aqida, c'est grave. La bid'a, déjà, quand elle est dans la salat ou la zakat, c'est grave. Qu'en est-il si la bid'a est dans la aqida? C'est beaucoup plus grave. Voyez. Et rappelez-vous toujours le verset qui dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Rappelez-vous bien ce verset. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Apprends, fa'alam, apprends que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah. Donc il n'a pas dit la ilaha illallah. dis la ilaha illallah. Il a dit apprends. Apprends la ilaha illallah. Donc, en ce qui concerne la parole d'Allah, il faudrait que tu dises certaines choses. Premièrement, que tu dises que Allah subhanahu wa ta'ala parle bi kalamin haqiqi, parle avec une parole yani, comment dirais-je, vraie. C'est pas vrai, ça veut dire il ne ment pas. Non, c'est pas cela. Il parle, c'est-à-dire ce n'est pas autre chose. C'est clair. C'est comme ça, apparent. C'est-à-dire, il parle vraiment. Allah Ta'ala parle vraiment. C'est la première des choses que tu dois attester. Ensuite, on va voir que ça veut dire, il parle vraiment. Naam. Deuxièmement, Matasha'a, quand il veut. Troisièmement, Kayfasha'a, comme il veut. Quatrièmement, Bimasha'a, avec qui il veut. Cinquièmement, biharfin, avec des lettres. Sixièmement, wasaut, avec une voix. Huitièmement, la yumathilu aswat al-makhluqin, et que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à la parole de l'être humain. Bon, premièrement, Allah ta'ala parle vraiment. Pourquoi on a dit parle vraiment? Car certains, comme on va le voir après, comme l'Ash'ari al-Maturidiyya, vous allez le voir après, disent que Allah Ta'ala, sa parole n'est pas extériorisée. Il parle en son intérieur, en son fort intérieur. C'est-à-dire, sans qu'on entende quelque chose. Ils disent comme ça. C'est la première bida. Deuxièmement, il parle matasha'a. Il parle quand il veut. Quand il veut parler, il parle. Il ne veut pas, il ne parle pas. Il veut parler le matin, il veut parler le soir, il parle quand il veut. Deuxièmement. Troisièmement, Kayfasha'a. Il parle comme il veut. Naam, il parle comme il veut. Avec d'une façon qui lui est propre. Quand je dis il parle, ça ne veut pas dire qu'il parle avec une bouche, ni avec une langue, ni il a un gosier, et comme ça. Non, il parle d'une parole qui lui est convenable, qui lui sied. Naam, une belle parole. Naam. Quatrièmement, Bimasha'a, il parle de ce qu'il veut, de ce qu'il veut. Il parle du Coran, hein? Oh, il a loué beaucoup le Coran. Il parle de son prophète, il parle de ses créatures, il parle du paradis, il parle de l'enfer, il parle de la pluie qui descend, il parle des montagnes qu'il a créées, des mers. Il parle de ce qu'il veut. Naam. Biharf, attention, très important. Allah Ta'ala parle avec des lettres, wasaut, et une voix, disons un son, hein? Des paroles où il y a des lettres et un son, des paroles qu'on peut entendre, naam, et on entend des lettres, attention, des mots composés de lettres, ça va venir, inshallah. Ensuite, il a dit, la yumathilu aswat al-makhluqin, naam, il parle d'une parole, il parle, Allah Ta'ala parle, mais il ne parle pas comme nous. Nous, pour parler, on a besoin d'une bouche, de la langue, des dents. Les dents aussi, sinon sans les dents, ce qu'on va dire ne va pas être bien compris. On a besoin d'un gosier, on a besoin de beaucoup de choses. Mais Allah Ta'ala parle d'une parole qui lui sied, naam, est convenable. Taïb. Maintenant, il a dit ici le délit que Allah Ta'ala parle avec des lettres et une voix. Il a dit, lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam, et lorsque Allah Ta'ala a dit, ô Isa, fils, ô Jésus, fils de Maryam, il a dit, Cheikh Larmo, ce sont des lettres. Ô Isa, Aïn, ya Sin, ya Isa, ibn Maryam, ba, nun, ensuite Maryam, M, A, R, en arabe. Naam, tout cela, ce sont des lettres. Naam. Et d'ailleurs que Allah Ta'ala parle avec des lettres. Quel est aussi, c'est aussi le dalil. Tout le monde vous connaissez, tout le monde connaît le hadith du Bukhari et des autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit une lettre du Coran, il aura 10 récompenses. Il a dit quoi? Il a dit une lettre du Coran. Et le Coran, c'est la parole d'Allah, donc la parole d'Allah, c'est des lettres. Il a dit une lettre du Coran. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré. Il a dit, je ne dis pas alif lam mim harf, mais il a dit alif harf. Il a dit, je ne dis pas alif lam mim, c'est une lettre. Mais je dis alif, le A, c'est une lettre. Lam, c'est une lettre. Mim, c'est une lettre. Le début de la Baqara, alif lam mim. Alif lam mim, c'est trois lettres. Donc quand tu dis alif lam mim, Allah Ta'ala te donne combien? 30 récompenses. Seulement en disant alif lam mim. Pourquoi? Parce qu'il y a trois lettres et chaque lettre 10 récompenses. C'est pour ça que, avant de commencer une sourate, quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as combien? 190 hasana. Pourquoi? Parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 lettres. Subhanallah al-Azim. Naam. Donc, le Coran, c'est quoi? C'est des lettres. Et les lettres forment les mots, bien sûr. Et les mots forment les phrases. Et comme ça. Maintenant, le quatrième verset. Pardon, ça c'est pour prouver que la parole d'Allah Azzawajal c'est des lettres. Maintenant, pour prouver que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une voix, naam, il a dit quelle est la preuve que la parole d'Allah c'est une voix? C'est que lorsque Allah Ta'ala a dit wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, et lorsque Allah Ta'ala a dit ô Jésus, fils de Marie, c'est que Jésus, fils de Marie, a entendu ce qu'a dit Allah Ta'ala. Donc s'il a entendu, c'est quoi? C'est qu'il a entendu une voix. Naam. Et dalil que c'est une voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté chez Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui a dit que j'ordonne que vous fassiez 50 salats. Donc le prophète alayhi wa sallam l'entendait quand il parlait. Naam. Il est descendu, il est revenu vers lui, il lui a dit 50 salats c'est beaucoup. Diminuez un peu. Il a diminué. Certains disent 40, d'autres disent 25 dans la deuxième fois. Donc, il parlait avec Allah et Allah l'entendait. Il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala et il entendait Allah ta'ala lui répondre. Lui dire ceci, cela. Naam. La troisième fois, qu'a dit Allah ta'ala? Il a dit, moi, quand je dis une chose, ça reste toujours, ça ne s'efface pas. Naam. Quand je dis une chose, c'est une chose. J'ai dit, c'est 50. Ça reste 50 dans les récompenses. Et vous faites 5 prières, c'est tout. Mais ça reste 50 dans les récompenses. Car quand je dis une chose, ça reste une chose. Et j'avais dit que vous devez faire 50. Donc, le prophète, alayhi wa sallam, entendait Allah parler. Et comprenait bien sûr ce qu'il disait. S'il n'avait pas compris ce qu'il disait, comment se fait-il qu'il a dit à Moussa, alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a demandé, que t'as dit Allah? Il lui a dit, il m'a dit de faire 50 salats. Et Moussa alayhi salam lui a dit 50 c'est beaucoup. Va demander à Allah Ta'ala d'alléger un peu. Je connais bien ta nation. Ils ne peuvent pas faire 50 salats. Et il revient vers Allah et lui demande d'alléger. Et il s'est passé un dialogue entre Allah Ta'ala Azzawajal et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait quelque chose. Il entendait des choses. Il entendait quoi? Il entendait une voix. Il entendait une voix où il y avait des paroles. Des paroles. Naam, 50 salats. Naam, maintenant 5. Et comme ça, il entendait comme vous m'entendez. Naam. Tayyib. Ensuite, il a dit, quatrième verset. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Et la parole de ton Seigneur s'est complétée en toute vérité et équité. Voyez le dalil ici, le dalil de la parole d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Wa tammat kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika, c'est quoi? C'est la parole de ton Seigneur. Donc Allah Azza wa Jal parle. Et ensuite il a ajouté, il a dit, en toute vérité. Donc, il a décrit la parole d'Allah qu'elle est véridique et équité et qu'elle est juste. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. C'est pour ça que, regardez les deux attributs, vérité et équité. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. La parole de ton Seigneur, c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran, ça, Coran, Kalamullah. Il a été décrit ici par deux attributs. Le Coran d'Allah Azza wa Jal est véridique et équitable. Véridique dans les informations, équitable dans les jugements. Tout ce que Allah Ta'ala a dit est véridique. Depuis que le Coran est descendu jusqu'à de nos jours, personne, et jusqu'au jour du jugement dernier, personne ne pourra trouver un mensonge dans le Coran. Allah Ta'ala a dit une chose et que ce n'est pas vrai. Il a dit par exemple que le soleil par exemple, faisait ceci, cela, et ils vont prouver maintenant que le soleil par exemple ne tourne pas ou bien ne se déplace pas, etc. C'est impossible. Pourquoi? Il a dit c'est accompli en toute vérité. Et équité, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme jugement dans le Coran, naam, faites ceci, ne faites pas ça, toutes ces choses sont quoi? Sont justes. Tout ce qu'a dit Allah Ta'ala est équitable. Il n'y a pas de tort. Quand il dit le voleur, coupez-lui la main, ce n'est pas un tort. Comme disent les koufars et beaucoup de musulmans, ils disent miskin le voleur, on lui coupe la main. C'est une barbarie. Naam, c'est une barbarie de couper la main au voleur. Voilà ce qu'ils disent. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, nous, premièrement, va apprendre ton din, va apprendre ta religion d'abord. Naam. Allah Ta'ala, quand il lui a dit, il nous a dit de lui couper la main. Est-ce qu'il nous a dit de couper la main à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger? Il ne parle pas à Allah Ta'ala de celui qui n'a pas de quoi manger. Il parle de celui qui travaille et on lui a donné un travail. Ou bien s'il ne travaille pas, on lui donne une paye chaque mois. Et maintenant, il se suffit, mashallah, et il veut voler. Naam. Et deuxièmement, il faut qu'il remplisse la condition qu'il soit pubère. Troisièmement, il faut qu'il remplisse la condition que ce qu'il a volé, la chose qu'il a volée, dépasse 1,25 g d'or. S'il vole quelque chose de moins de 1,25 g d'or, on ne lui coupe pas la main. Naam. Et quatrièmement, ou bien cinquièmement, attendez, je me rappelle s'il y a aussi d'autres conditions. Naam, j'ai dit, il faut que, bien sûr, on lui ait trouvé du travail, etc. Et que celui-là, il veut voler. Autre chose aussi, il faut que la chose qu'il vole, il faut qu'elle soit, yani, préservée et cachée. Ce n'est pas, tu laisses la voiture ouverte, ensuite tu dis, on m'a volé la radio, là, comment ça s'appelle. Naam, ou bien tu laisses un cabas plein de je sais pas plein de je sais pas quoi dans la voiture et la voiture ouverte. Ensuite tu as dit on a ouvert la malle, on m'a pris mon cabas plein de bagues d'or ou je sais pas quoi. Non, ça il n'a pas volé. C'est toi qui l'as poussé à voler. Et ça s'appelle pas un vol aussi. Non. Ou bien par exemple la femme qui sort avec par exemple une comment ça s'appelle ça? Une chaîne d'or sur le cou, comme ça visible, et une grosse chaîne d'or, naam, passe devant quelqu'un, subhanallah l'adhim, et celui-là saute sur son cou et la détache et part. Regardez, il la détache et il part. Celui-là, combien qu'il a volé de grammes d'or? On a dit 1,25 grammes, on lui coupe la main. Celui-là, il a volé peut-être 100 grammes d'or, on lui coupe pas la main. Pourquoi? Il n'a pas volé, ça ne s'appelle pas un vol en islam. Un vol, tu caches la chaîne, tu la caches et il vient à la maison, il ouvre le coffret, il la vole. Non, tu la caches dans la voiture fermée, à clé. Il casse et il vole. Non, mais dans ce cas-là, le juge d'islam, par exemple, peut ordonner ou la ordonne qu'on le frappe, par exemple, ou bien qu'on l'emprisonne et qu'il paye une grande amende. Et comme ça, mais on ne lui coupe pas la main. On ne lui coupe pas la main parce que pour couper la main, il faut que la chose qui soit volée soit vraiment cachée. Soit cachée. Naam. C'est pour ça que... Et on leur dit autre chose. On dit à celui-là qui dit pourquoi vous lui coupez la main. On lui dit, dis-moi une chose, Barakallahu fik, dis-moi une chose. pourquoi le voleur t'a fait de la peine? Est-ce que toi, tu es plus miséricordieux que Allah Ta'ala qui l'a créé? Allah Ta'ala a créé ce voleur. Ça, il ne lui a pas dit de voler, mais il l'a créé. Et est-ce que toi, tu aimes ce voleur plus qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tu aimes cette personne? Hein? Tu as dans ton cœur plus de rahma et miséricorde que Allah Ta'ala qui l'a créé? C'est impossible. Allah Ta'ala aime cette personne plus que toi. La preuve, il l'a créé, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il lui donne les vêtements, il lui donne l'argent. Naam. Et malgré cela, il a dit, il faut lui couper la main. On lui dira autre chose. Ce voleur, toi, ce voleur qui te fait de la peine, pourquoi il t'a fait de la peine alors qu'il a volé? Et la personne qui a été volée ne te fait pas de la peine. C'est vraiment, yani ça s'est renversé maintenant, les valeurs se sont renversées. Le voleur qui a volé et qui a laissé l'autre en train de pleurer, en train de se tirer les cheveux, non, ce voleur t'a fait de la peine. Et l'autre qui a été volé, qui pleure miskin, qui n'a pas maintenant comment nourrir ses enfants, celui-là, il t'a pas fait de la peine, subhanallah. Et le voleur t'a fait de la peine, subhanallah. Le criminel t'a fait de la peine. Et l'autre miskin, la victime, ne t'a pas fait de peine, subhanallah. Donc ça, c'est pour dire que le Coran, tout ce qu'il contient comme information est véridique. Et tout ce qu'il contient comme quoi, comme jugement, est équitable. Il n'y a jamais de tort dans le Coran. Il n'y a jamais de tort. Cinquième verset. « Wa kallama Allahu Musa taklima » An-Nisa 164. « Wa kallama Allahu Musa taklima » An-Nisa 164. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Regardez, hein, ce qu'a dit Allah Ta'ala. « Wa kallama Allahu Musa » Allah Ta'ala a parlé à Moussa et il a ajouté autre chose. Il a parlé à Moussa « Kallama Allahu Musa taklima » « Kallama taklima » Ça, en arabe, ça s'appelle « Mef'oul Mutlaq » C'est un genre de complément. Ce n'est pas le complément d'objet direct. J'ai oublié comment ça s'appelle ça. C'est pour montrer que, yani, pour certifier la chose. Il a dit, il a parlé, naam, disons, il a parlé une parole. C'est comme je dis, je l'ai frappé d'une frappe. Frappé, et j'ai ajouté encore d'une frappe. Pour que tu comprennes que je l'ai frappé. Car peut-être, quand je dis je l'ai frappé, tu diras peut-être qu'il a frappé en lui disant un mot qui n'est pas bien. Non, je l'ai frappé d'une frappe. Yani, pour ta'kid, yani, pour certifier encore, certitude, pour que tu n'aies pas de doute. La même chose Allah Ta'ala a dit ici. Kallama, et il a ajouté taklima. Il a parlé, ici on a traduit de vive voix. Mais je ne sais pas si c'est comme ça vraiment. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment de vive voix. Tayyib. Sixième verset. Al-Baqarah 253. Donc ici, vous voyez, Allah Ta'ala a parlé. A parlé, hein. Attention à ceux qui disent que Allah Ta'ala ne parle pas. Allah Ta'ala a parlé à Moïse, vous voyez bien. Et Allah a parlé à Moïse. Et pour que vous sachiez qu'il a parlé, il a ajouté de vive voix. Il n'a pas parlé avec des gestes. Il a parlé avec une voix, de vive voix. Ça. Ensuite, Allah Ta'ala dit, « Minhum man kallama Allah »« Minhum man kallama Allah » Al-Baqarah 253. Et il est des messagers à qui Allah a parlé. Et il est des messagers à qui Allah a parlé. Donc, Allah a parlé à certains messagers. Naam. Et bien sûr, il n'a pas parlé à tout le monde. Il n'a pas parlé à tous les messagers. Mais certains messagers, Allah subhanahu wa ta'ala leur a parlé. Et vous remarquez que quand on parle de Moussa alayhi salam, de Moussa, qu'est-ce qu'on l'appelle? On dit Kalimullah. Kalimullah. C'est-à-dire celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Ça, Kalimullah. Mais beaucoup de gens oublient quoi? Oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, Allah ta'ala lui a parlé et il a parlé à Allah. Ce n'est pas seulement Moussa alayhi salam. Naam. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas parlé à Allah? Allah ne lui a-t-il pas parlé lorsqu'il a fait l'ascension? Il lui a parlé de la salat. Avez-vous oublié cela? Non. Ensuite, septième verset, il y a 11 versets. Septième verset. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الأعراف 143. الأعراف 143. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Et lorsque Moussa, alayhi salatu wa salam, vint à notre rendez-vous, et son Seigneur lui a parlé. Et son Seigneur lui a parlé. Donc, Allah Ta'ala montre ici qu'il a bien parlé à Moussa lorsqu'il est allé au rendez-vous. Il est allé au rendez-vous pour Jabal Tur pour parler à Allah Ta'ala et Allah lui a parlé. Et Allah lui a parlé. Tayyib. Huitième verset. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Sourate Maryam. Sourate Maryam 52. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Et nous l'appelâmes. Il parle de Moussa alayhi salam. Et nous l'appelâmes du côté droit du mont Sinaï. Du côté droit du mont Sinaï. Et nous le rapprochâmes tel un confident. Et nous le rapprochâmes tel un confident. Muslim, alhamdoulillah. Jazakallahu khairan. Je te donne une deuxième consigne. Regarde. Quand je. Naam, et nous l'appelons du côté droit. Et nous l'appelons du côté droit du mont Sinaï. Et nous le rapprochons tel un confident. Jazakallahu khairan. Regarde, quand tu, des fois tu es dépassé, tu ne peux pas suivre le rythme, tu sautes. Et tu sautes le verset et tu me donnes le dernier où je suis maintenant. Naam, Agda, pour ne pas, inshallah ta'ala, que tu perdes de temps. Naam. Qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala ici? Il a dit, et nous l'appelons. Ce n'est pas seulement donc Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas seulement il parle, mais il appelle aussi. Et appeler, ça suppose quoi? Ça suppose une voix et des lettres et des mots. Naam. Il appela Moussa. Non seulement il lui a parlé, mais il a appelé. Naam. Et l'autre verset, Shu'ara. Shu'ara, verset numéro 10. Shu'ara. Verset numéro 10. وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, il l'appela aussi ici. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rends-toi auprès du peuple injuste. Rends-toi auprès du peuple injuste. Il l'appela. Taïb, reste combien? Reste deux versets. Naam, et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste. Taïb, l'avant-dernier verset. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkum ash-shajara. Al-A'raf 22. Al-A'raf 22. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkum ash-shajara. Et leur Seigneur les appela. Il appela qui? Adam alayhi salam et Hawa. Adam alayhi salam et Hawla. Hawa. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils dirent? Bien sûr, ils demandèrent pardon. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils ont entendu Allah parler et ils ont compris. Ils ont compris ce qu'il a dit. Naam. Et enfin, dernier verset. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولْ مَاذَا أَجِبْتُمْ مُرْسَلِينَ. Al-Qasas 65. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولْ مَاذَا أَجِبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ. Et le jour où il les appellera, et le jour où il les appellera, et qu'il dira, qu'avez-vous répondu aux messagers? Donc, Allah Ta'ala appellera, il dira aussi, il a dit, qu'avez-vous répondu au messager? Maintenant, inshallah ta'ala, on va commencer l'explication. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Zakara al-mu'allif rahimahullah al-ayat al-dallati ala anna al-Qur'an kalam Allah azza wa jalla. Il a dit, et l'auteur a cité les versets, les 11 versets qu'on vient de lire. Qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala parle. qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala parle. وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة. Il a dit, et cette question, c'est-à-dire, est-ce que Allah Ta'ala parle ou ne parle pas, il y a eu vraiment une grande divergence dans cette chose. Entre qui la divergence? Ce n'est pas entre Ahl Sunnah, non. C'est entre Ahl Sunnah et Ahl Bid'ah. Il y a eu une grande divergence entre qui? Entre les gens de la Sunnah et les gens de la Bid'ah. Et plus spécialement, les qui? Plus spécialement, les Mu'tazila. Les Mu'tazila, et après les Asha'ira et les Maturidiyya. Les Maturidiyya. Naam. وحصل بها شر كثير على أهل السنة. Et à cause de la parole d'Allah, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il ne parle pas, il y a eu de grands malheurs qui sont tombés sur Ahl Sunnah ou Jama'a. وممن أذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن محمد رحمه الله إمام أهل السنة. Et l'une des personnes sur laquelle l'une des personnes de Ahl Sunnah sur laquelle s'est abattu, se sont abattus beaucoup de malheurs, c'est qui? C'est l'imam Ahmed. Imam Ahmed, rahimahullah, le imam de. الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. نعم، إمام أحمد رحمه الله، un grand malheur s'est abattu sur lui dans le problème de la parole d'Allah. Un grand problème qui est venu de qui? Des innovateurs, bien sûr. Et l'imam Ahmed, Ahl Sunna disent de lui quoi? Disent que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son din, a préservé son islam avec deux personnes. Abu Bakr Siddiq, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens, certains gens, se sont commencés à apostasier et sortir de l'islam, il y a eu Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu qui, comme une montagne, na'am, a défendu l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son din avec Abu Bakr. Et la deuxième personne, c'est qui? C'est l'imam Ahmed rahimahullah, lors des problèmes qui sont pas survenus à cause de la fitna de yani dans la parole d'Allah Azza wa Jal. طيب, c'est quoi cette fitna en ce qui concerne la parole d'Allah Azza wa Jal? Cette fitna, c'est que il y avait un gouverneur qui s'appelle Al-Ma'moun, afallah anhu, que Allah Ta'ala lui pardonne. Naam, qu'a fait Al-Ma'moun? Al-Ma'moun a ordonné et a contraint les gens en son époque à ce qu'ils disent que le Coran est créé. Il faut dire le Coran, c'est-à-dire la parole d'Allah, est créée. Naam, est créée. حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتل مدن يجيبوا. Au point où il a demandé à ce qu'on teste. On teste tous les ulama qui existent. On les fait venir, on les teste. Que dis-tu sur la parole d'Allah? Ou bien exactement, que dis-tu du Coran? Le Coran, il a été créé ou n'a pas été créé? Si tu dis pas, il a été créé, ou bien c'est la mort, ou bien c'est le fouet. Ça dépend. Certains les fouettaient, certains au point de les tuer. Que Allah Ta'ala lui pardonne. Tayyib. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Le ma'moun, le gouverneur. Il disait que le Coran était créé. Le Coran était... Et lui, pourquoi il a dit cela? Ce sont certains ulama innovateurs qui lui ont inculqué cette innovation, cette bid'a de dire que le Coran est créé. C'est une bid'a mukaffira. C'est une bid'a qui rend la personne kafir. Sauf si la personne, bien sûr, a des excuses. Comme celui-là, le ma'moun ici, il disait que le Coran est créé et, subhanallah l'adim, et tuer les gens qui ne disaient pas cela. Et malgré cela, il n'est pas kafir. Pourquoi il n'est pas kafir? Alors que le fait de dire que le Coran est créé, c'est du kofre. Il n'est pas kafir, car d'après lui, pour lui, dans son cœur, il dit, je suis en train de suivre les ulama. C'est les ulama qui m'entourent, qui qui m'ont dit que le Coran est créé, et qui m'ont dit que quiconque ne dit pas que le Coran est créé, c'est lui l'innovateur. Donc, ils l'ont trompé, bien sûr. Ils l'ont trompé. Est-ce que Allah Ta'ala va l'excuser? Je ne sais pas. Mais les ulama ont dit il n'est pas kafir. Parce que, yani, on l'a trompé. On l'a trompé. Tayyib. Donc, quand on a commencé à faire venir les ulama et les tester, que dis-tu du Coran? Naam. Tu dis qu'il est créé. Masha'Allah, tu reviens chez toi. Tu dis il n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. Alors, tu as la tête coupée, ou bien la prison, ou bien le fouet, ou bien on t'expulse du pays, etc. Tayyib. Alors, quand on faisait venir les ulama, certains ont vu que ils pouvaient, il y avait, disons, certaines astuces pour sortir de ce problème. Il y avait certaines astuces bien sûr shar'i, naam, légiférées, qui peuvent te sortir de ce problème. Ils ont dit, c'est quoi la solution? Ils ont dit, la première solution, que tu dises, certes, le Coran est créé, mais dans ton cœur, tu ne reconnais pas cela. Ils ont dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran que quiconque dit des choses pareilles, ou bien insulte Allah, ou bien insulte le prophète, alayhi sallam, mais dans son cœur, naam, il est contre cela, et il fait ça sous la contrainte, il n'est pas joyeux de ce qu'il dit, son cœur se déchire et est rongé à l'intérieur par les remords. Allah Ta'ala dit, celui-là, il n'a pas fait de péché. Celui-là, il n'a pas de châtiment. Pourquoi? Il a fait la chose sous la contrainte. Donc certains ulama venaient comme ça et disaient, oui, le Coran est créé. Mais bien sûr, dans leur cœur, ils ne reconnaissaient pas cela. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres faisaient ce qu'on appelle le ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire, il te parle d'une chose, alors que dans son cœur et dans sa niya, il est en train de parler d'autre chose. Naam, il te parle d'autre chose. C'est-à-dire que pour toi, tu comprends une chose, et pour lui, il voulait dire autre chose. Je donne un exemple. Il y avait la femme d'un certain savant. Vous savez que le savant, quand il est chez lui, peut-être toutes les minutes, il y a des gens qui viennent le chercher. Ils ont des questions, ils ont ceci, ils ont cela. Ça ne s'arrête pas. Alors qu'est-ce qu'il lui disait de faire? Il disait, quand il frappe à la porte, ils disent, est-ce qu'il est là? X. Est-ce que par exemple, disons Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah, est-ce qu'il est là? Par exemple, il lui disait, de derrière la porte, tu montres ta main gauche, tu l'ouvres comme ça, tu ouvres ta main gauche, et tu pointes ton doigt d'index de la main droite. Tu le pointes sur ta main gauche qui est ouverte, et tu dis, il n'est pas là. Non? Eux, ils te disent, il est là, Ibn Taymiyyah. Tu montres ta main, tu dis, il n'est pas là. Ça veut dire, il n'est pas sur ma main. Eux, ils ne voient pas que tu es en train de montrer ta main. Ils comprennent quoi? Qu'il n'est pas dans la maison. Alors que toi, tu montrais ta main gauche avec ton doigt. Tu disais, il n'est pas là. Il n'est pas assis sur ma main. Ou bien, s'il est par exemple à gauche dans une pièce, toi, tu fixes avec ton doigt une pièce qui est à droite, sans s'opposer. Tu dis, il n'est pas là. Et tu es en train de regarder par exemple dans le salon. Alors que lui, il est dans la cuisine. Tu dis, il n'est pas là. Et tu fixes quoi? Tu fixes la cuisine. Ça, c'est l'une des astuces, naam, qui n'est pas interdit bien sûr. Tu fais croire à la personne, tu lui fais croire ce que tu ne veux, ce que il ne pense pas. Mais cette chose est interdite quand quelqu'un te demande de jurer par Allah et que tu sais que c'est toi le fautif. Si tu es fautif et quelqu'un te dit jure par Allah que telle et telle chose, tu dis je vais jurer par Allah mais je vais penser à autre chose. Dans ce cas, ça ne compte pas. Car il y a un hadith qui dit que quand tu jures, c'est d'après ce que te comprend celui qui t'a fait jurer. Celui qui, lui, il t'a fait jurer, c'est d'après sa niya, si quoi? Si tu lui as fait tort. Et c'est d'après ta niya, toi, si on t'a fait tort. si moi on m'a fait tort. Et je vais jurer, je jure d'après ma niya. Je m'en fous de ce qu'il va comprendre lui. Mais si c'est lui, il m'a fait jurer, parce que je lui ai fait tort, et je jure, même si je dis le contraire, c'est d'après ce qu'il a compris lui, c'est d'après sa niya. El Mouhim, qu'ont fait ici certains ulama, on se concerne la parole d'Allah. On le fait venir, on lui dit, dis que le Coran est créé. Qu'est-ce qu'il fait? Certains, on dit directement, oui, le Coran est créé, se basant sur le verset qui dit que il n'y a pas de contrainte. Pardon, quand on te met dans la contrainte, tu peux mentir et tu peux dire n'importe quoi sous la contrainte. Vous connaissez le verset, il est très clair. Naam, il amène ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mais la deuxième solution qu'ont préféré certains ulama, c'était quoi? C'est ce que je viens de dire maintenant. De dire une chose et en faisant croire aux autres, à ce qu'ils m'entendent, une autre chose. Comme le cas de dire il n'est pas ici, c'est-à-dire il n'est pas dans cette pièce. Comment qu'ils vont dire ici? Regardez, on pose à quelqu'un la question, on lui dit, les gens sont en train d'entendre et attendent quelle est sa réponse pour voir la punition. Est-ce que le Coran est créé? Il dit comme ça. Non. Il commence à compter avec les doigts. Il commence par le pouce. Il montre le pouce. Il dit, Al-Qur'an, le Coran. Et il montre le pouce, ça veut dire c'est comme s'il comptait. Ensuite, il ajoute l'index. At-Tawrat, la Torah. Al-Injil, numéro 3, en montrant son troisième doigt du milieu. Al-Zabur, maintenant il a quatre doigts. Il est en train de compter. Hein. Il a dit le Coran, la Torah, Al-Injil, Al-Zabur. Tous ceux-ci ont été créés. Vous cherchez si le Coran a été créé. Moi, je vous dis, les quatre, en montrant ses doigts, les quatre ont été créés. Eux, ils croient quoi? Ils croient que les quatre livres ont été créés. Mais lui, il parle de ses doigts. Il dit, ces quatre ont été créés. Ces quatre, naam, le Coran, la Torah, l'Injil et Zabur. Et il compte avec ses doigts et il regarde ses doigts. Il dit, les quatre ont été créés. Eux, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient les livres ont été créés. Alors qu'il parlait de ses doigts. Et ses doigts ont été créés. On dit, celui-là, laissez-le. Non seulement il a reconnu que le Coran est créé, mais subhanallah, il a reconnu même les autres livres. Naam, ils ne savent pas qu'Allah Ta'ala l'a préservé avec la science qu'il a, alhamdoulilah. Quant à l'imam Ahmed, rahimahullah, et une autre personne, rahimahullah, qui s'appelle Mohamed ibn Nuh, ces deux-là ont décidé de ne pas user des solutions et des ruses et des astuces légiférées. Ils ont dit non. Nous, on va patienter jusqu'à mourir et dire directement le Coran n'est pas créé. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont tellement de foi et de piété et de peur d'Allah Ta'ala que ils se sont dit, surtout l'imam Ahmed a dit, maintenant si je vais dire, il y a des centaines et des milliers, si ce n'est pas un million ou plus de personnes qui sont en train d'attendre ma réponse. Ces deux sont des grands ulamas. Il a dit, nous on n'est pas comme les autres. Un petit alim, il dit c'est créé, c'est pas créé, ça change rien. Mais l'imam Ahmed, quand c'était ce jour, son jour à lui, pour être testé, peut-être des millions de gens vont venir pour écouter ce que va dire Ahmed. Il a dit, si je dis le Coran est créé, je gagne ma vie, je ne meurs pas. Mais des millions de gens vont être égarés à cause de moi. Naam. Et si maintenant je dis le Coran d'Allah n'a pas été créé, je meurs moi seul. Et tous ceux-là vivront avec une vraie aqida. Naam, ils iront au paradis. Ils n'iront pas à l'enfer à cause de moi. Et, subhanallah al-azim, il a patienté. On lui a dit, que dis-tu du Coran? Il a dit, la parole d'Allah n'a pas été créée. Et des millions de gens, je ne sais pas combien, ont entendu que quoi? La parole d'Allah, le Coran, n'a pas été créé. Il était créé, peut-être jusqu'à notre jour, nous tous, on nous aurait appris que le Coran est créé. Mais lui et Mohamed ibn Nuh ont patienté. Ils ont dit, ça ne fait rien, on meurt. Mais on préserve le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on perd, nous, c'est de mourir, c'est tout. Déjà quand je meurs, je vais au paradis. Mais ça ne fait rien. Je préserve le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dîn d'Allah est plus important que ma vie. Que ma vie, subhanallah al-azim. Naam. Remarquez avec moi ici que le ma'moun, Ma'moun, qu'Allah Ta'ala lui pardonne, le gouverneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Coran est créé. Et moi je vous ai dit que quiconque dit le Coran est créé, il a dit du kufr. Vous savez pourquoi? Tu dis la parole d'Allah est créée. La parole est créée. Alors dis aussi, la main d'Allah est créée. Dis aussi, ses yeux sont créés. Dis aussi, tous ses attributs sont créés. Tous les attributs d'Allah sont créés. Subhanallah al-Azim. Si tu dis sa parole est créée, c'est comme tu dis sa main a été créée. Ses pieds sont créés. Naam. Sa vue est créée, son ouïe est créée, comme ça. Naam. Donc c'est très grave. Et vous remarquez que, malgré que ce gouverneur a dit le Coran est créé, et aucun des savants n'a dit de lui il est kafir. Pour que vous sachiez que le gouverneur, ou la une personne en général, puisse, c'est possible qu'elle dise des paroles qui sont du kufr, mais elle ne devient pas kafir. Pourquoi? Parce qu'elle a des excuses. Non, ce n'est pas toute personne qui dit ou bien qui fait du kufr est devenue kafir, comme disait Tekfiriyoun. Tekfiriyoun, il te dit, toute personne qui dit du kufr ou bien fait du kufr, il est kafir. On lui dit, nous, oh, combien tu te trompes. Tu te trompes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Naam, beaucoup, beaucoup, tu te trompes. Naam. Et on va commencer à lui dire. Notre prophète, Moussa, alayhi salam, n'a-t-il pas jeté la Torah par terre? Est-ce que quelqu'un qui jette la Torah par terre, c'est du kufr ou c'est pas du kufr? Est-ce que moi, je prends le Coran et je le jette par terre? J'ai fait du kufr ou j'ai pas fait? Et la Torah et le Coran, il n'y a pas de différence. Ça, c'est toujours la parole d'Allah. C'est du kufr, c'est pas du kufr. Moussa alayhi salam a jeté le Coran, a jeté la Torah par terre. Est-ce que Moussa alayhi salam c'est un kafir? Chef, comment on va les acculer? Et pourquoi il n'est pas kafir? Parce que la règle dit que pas toute personne qui fait du kufr est devenue kafir. Il faut voir d'abord, est-ce que la personne n'a pas d'excuse? Peut-être qu'elle n'est pas consciente. Peut-être qu'il est jeune. Peut-être qu'il est dans un état de colère, grande colère, il ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il est dans un état de... Il n'a plus sa raison avec lui. Peut-être, il y a des... Sans peut-être. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était le Coran. Il ne savait pas que c'était la Torah. Il croyait que c'était un autre livre. Et comme ça. Non? Donc, pas toute personne qui fait le kufr est devenue kafir. Et ici, l'excuse de Moussa, c'est quoi? C'est quoi l'excuse de Moussa? L'excuse de Moussa, alayhi salam, c'est qu'il était dans un état colérique. Une grande colère, parce qu'il est allé parler à Allah et il est revenu, il a trouvé que sa nation, le peuple qu'il a laissé, sont redevenus à adorer, quoi? Adorer les statues, subhanallah al-adhim, le veau. Alors, tellement dans une colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré son frère par la barbe. Il a tiré, il est par terre. Il le tirait hein, par terre de la barbe. C'est vraiment calme. Allah Ta'ala lui a pardonné. Pourquoi? Quand on est dans la colère, on peut faire plus que ça. Dans la colère, c'est pour ça que quelqu'un qui est dans la colère, la grande colère, s'il dit à sa femme, tu es talaq, elle n'est pas talaq. Pourquoi? Parce qu'il est dans la grande colère. Il ne sait pas ce qu'il dit. Naam. Et on dit aussi au takfiri. On dit au takfiri. Mu'ad ibn Jabal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très connu, qui était en Chine, qui était au Sham, et il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam après un long voyage. Dès qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il est à ses pieds, il s'est prosterné aux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oh Mu'adh, tu es kafir? Comme les takfiriyon. Oh Mu'adh, tu es kafir? Tu t'es prosterné, on se prosterne qu'à Allah. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Jamais il n'était comme ça. Il lui a dit, mahadha ya Mu'adh? Qu'est-ce que tu fais, Mu'adh? Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi, c'est tout. Pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, yani, as-tu une excuse? Il lui a dit, ya Rasulallah, où j'étais dans le pays, j'ai vu les gens se prosterner aux prêtres et aux évêques. Je me suis dit, notre prophète, yani, a plus de valeur que cela. Moi, si je devais me prosterner à une personne, je me prosterne à mon prophète et pas à cet évêque ou à ce prêtre. Ah, chef, tu vois maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande quelle est la cause d'abord. Ensuite, il sait que ce qu'il a fait, c'est seulement une faute et qu'il est excusé. Il lui a dit non, Mouad. Quand Mouad s'est prosterné, ne lui a pas dit kafir, mais lui a dit pourquoi Mouad tu te prosternes. Il lui a dit j'ai vu dans le pays où j'étais des gens se prosterner à leurs évêques, à leurs prêtres, à leurs patriarches. J'ai dit si on se devait se prosterner, je préfère me prosterner à mon prof qui est meilleur qu'eux, qui est Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui corrige, il lui dit non, Naam, personne ne doit se prosterner qu'Allah Azzawajal. Et si je devais ordonner à une personne de se prosterner à une autre, alors j'ordonnerais à la femme de se prosterner, à l'épouse de se prosterner à son époux. Naam. Mais les takfiriyoun ne cherchent pas à comprendre. Apprenez l'islam, barakallahu fikum. L'islam, jamais tu ne portes un jugement sur quelqu'un avant de lui avoir demandé pourquoi tu as fait cette chose. Naam. Et rappelez-vous de ce qu'a fait Moussa alayhi salam, de ce qu'a fait Mouad ibn Jabal, rappelez-vous de, comment il s'appelle, ibn Abi Balta'a, de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu ta'ala anhu, un grand compagnon, qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans l'intention d'aller combattre les kuffars, qu'est-ce qu'il a fait Hatib, radiyallahu ta'ala anhu, un grand compagnon? Il a envoyé une lettre avec une femme qu'elle a cachée dans ses cheveux. Comme ça, elle a fait un chignon. Elle a caché la lettre dans ses cheveux. Et il lui a dit, tu vas chez les koffars avec cette lettre. Dans la lettre, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vous combattre tel jour et telle date, etc. Et bien sûr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cette chose, il a envoyé qui? Il a envoyé Ali ibn Abi Talib et un autre. Ils ont attrapé la femme avant qu'elle n'arrive chez les koufars. Ils lui ont dit dans la lettre. Elle a dit j'ai pas de lettre. Alors Ali ibn Abi Talib a dit tu donnes la lettre ou bien je te découvre, je t'enlève tes vêtements. Quand elle a su que c'était vraiment sérieux, qu'on allait la dénuder, elle a fait sortir la lettre d'un chignon comme ça ou là, dans les nattes de ses cheveux. C'est écrit dans la lettre quoi? Voilà, attention, tel et tel jour, le prophète Aslam va venir vous combattre. Dites-moi, Naam, Naam, c'est Djibril. Dites-moi, Barakallahu Fikum, quelqu'un qui va donner les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les donner aux kuffars. Si c'était nous, on n'aurait pas dit les kafirs? Moi, j'aurais dit les kafirs. Il va donner les secrets de la guerre sainte, le djihad, il va donner les secrets aux kuffars. Pour moi, c'est un kafir. Mais pour moi, qui? Qui moi? Moi, je suis un djihad, moi, je n'ai pas de science. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Hatib, il s'appelle Hatib. Ma hamadaka ala hada? Qui t'a poussé à faire cette chose? Je cherche d'abord s'il a des excuses. Je cherche des excuses. Peut-être qu'il a des excuses. Qui t'a poussé à faire cette chose? Ya Rasulallah, il lui dit, Wallahi, j'ai fait cette chose, ce n'est pas en haine pour l'islam, ni pour sortir d'islam. Mais je me suis dit que tous les compagnons ici qui vont partir avec toi pour faire la guerre sainte ont là-bas de la famille. S'il se passe quelque chose, ils vont chez leur famille. Et moi, je n'ai personne là-bas. C'est pour ça que je lui ai envoyé cette lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand quelqu'un, Omar ibn Khattab, a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi frapper son cou, laisse-moi le tuer, il a dit non. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce qu'il y a dans les cœurs de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, car celui-là a participé à Badr, et leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comporte, et regardez les takfiriyoun, comment ils se comportent, et comparez avec quelqu'un qui est dans le sentier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un qui est avec les takfiriyoun, ou l'iyadu billah. Non, pas d'excuse. Tu te trompes, tu es kafir. Mais eux, ils se trompent, ils ne sont pas kuffar. Eux, la plus grande faute qu'ils font, c'est déjà d'être dans la bida et dans un faux chemin. Non, ils ne sont pas kuffar, eux. Mais toi, tu te trompes, une petite faute, tu es peut-être un mois ou un mois et demi, une sœur, une reconvertie, subhanallah, une sœur, on m'a dit de 18 ans, elle est rentrée, elle est tombée dans la salle des takfiriyoun. C'est parce qu'elle a dit, on lui a dit, ton mari est kafir. Et elle était, il y a un mois ou un mois et demi, elle était dans la démarche de quoi? De divorcer, subhanallah al-azim. On lui a dit, ton mari est kafir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il n'a pas voulu les croire une chose. On lui a dit, donc tu es kafir. Subhanallah al-azim. Vous voyez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'il cherche les excuses. Quelqu'un est venu chez lui, Ma'iz. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulallah, j'ai fait zina. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait semblant de ne pas entendre. Ya Rasulallah, j'ai fait zina. Fais semblant de ne pas entendre. Ya Rasulallah, j'ai fait zina. Si c'était les autres, quoi? Tu as fait zina? Avant qu'il termine le mot zina, j'ai fait zi, fouettez-le. C'est pas la peine de dire le na. J'ai fait zi, fouettez-le. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait semblant de ne pas l'entendre. Subhanallah al-Azim. Ensuite, est-ce que tu sais ce que tu dis, lui dit? Naam, je sais ce qu'il lui dit. Ensuite, est-ce que tu n'as pas bu d'alcool? Il essaie de le sentir. Non, j'ai pas bu d'alcool, car c'est possible qu'il est saoul, c'est pas ce qu'il dit. Est-ce que tu as fait comme fait, yani quand on rentre la chose dans le truc, ce que la femme met, le noir dans les sourcils. Elles ont un truc comme ça, et on rentre une chose comme ça, comme... et on fait sortir, on met sur les cils ou les sourcils. Il y a quelque chose qu'on fait rentrer dans une petite boîte. Il lui a dit, tu as fait comme ça. Il a dit, naam, j'ai fait comme ça. Et le prophète Hassan essaie de lui trouver des excuses, subhanallah al-azim. Mais regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comporte avec les gens. Et regardez cela. Al-Muhim, on revient à ce qu'on disait. Il a dit ici dans un autre verset. Écoutez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Regardez le verset, c'est le Tawbah 6. Tawbah, verset numéro 6. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des kuffars, les associateurs, te demande asile, accorde-le lui pour qu'il entende la parole d'Allah. Regarde, quand un kafir te demande asile, Naam, accorde-lui de l'asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi toi tu veux seulement tuer le kafir? Le kafir, tu lui donnes pas toi la chance qu'il rentre en islam. Toi tu voudrais pas, si tu étais kafir, de rentrer en islam et profiter de ce beau, de ce bel islam et de te trouver au paradis. Tu veux pas ça? Tu veux sûrement. Et pourquoi tu veux cette chose seulement à toi, tu la veux pas aux autres? Pourquoi tu dis pas, j'aime que le kafir aussi rentre en islam et aille au paradis. Tu ne veux qu'à toi. Naam. C'est le verset Tawbah numéro 6. Sourate Tawbah numéro 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, qu'est-ce que tu fais? Le lui. Pourquoi? Pour qu'il entende la parole d'Allah. Naam. Pour qu'il entende la parole d'Allah. Donc, vous voyez, il doit entendre quoi le kafir? Pour qu'il entende la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi il doit entendre la parole d'Allah? Allah Ta'ala dit dans un autre verset, Qaf, surat Qaf, verset 37. Qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, ou alqa sam'a wa huwa shahid. Inna fi dhalika la dhikra لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Ça donne en français, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Naam. C'est-à-dire le Coran, quiconque le lit ce qu'il y a dans le Coran, s'il remplit trois conditions, il va être touché par le Coran. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit, c'est un rappel. Il te fait rappeler des choses, il fait bouger ton cœur. Naam. Même ébranler ton cœur. Naam. À condition quoi? Que tu aies trois conditions. La première, que tu aies un cœur. Beaucoup de gens vont dire, pourquoi? Il y a une personne qui n'a pas de cœur? Je dis, il y a cœur et cœur. Il y a des personnes qui ont des cœurs scellés. Les rochers, les cailloux et les montagnes sont mieux que certaines personnes qui ont des cœurs plus durs que des montagnes et des rochers. Hein, il y a certaines personnes, si tu lui parles du Coran, il insulte le Coran. Non, il insulte le Coran. Je te dis, ramène le Coran, je vais uriner dessus. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Non, celui-là, cœur scellé. Donc, il y a un rappel pour celui qui a un cœur. Quel cœur? Un cœur vivant. Les savants ont dit, les cœurs, il y a trois cœurs, il n'y a pas de quatrième. Cœur vivant, cœur malade, cœur mort. Cœur vivant, cœur malade, cœur mort. Le cœur mort, c'est pas la peine de lui parler du Coran, ni de la Sunna, ni d'Allah, ni du paradis, ni de l'enfer. Il a un cœur mort. Et il y a des gens qui ont un cœur vivant. Le cœur vivant, c'est le cœur qui a connu Allah Ta'ala et qui l'adore et qui lui voue. Naam, son adoration à lui seul, Azza wa Jal. Et le cœur malade, c'est le cœur de la plupart des gens. Yani, il est malade, il n'est ni vivant ni mort, il est au milieu. La première condition, il faut que cette personne ait un cœur. Naam, parce que Allah Ta'ala a donné à tout le monde un cœur, mais certains ont profité de leur cœur pour connaître Allah, pour connaître son dîn, pour cela. Et d'autres non, employer leur cœur pour des choses inutiles, dans des choses qui vont même à l'encontre du Coran. Vous remarquez que si une personne, par exemple, prenait le Coran avec dans le cœur l'intention de trouver la vérité, celle-là, Wallahi al-Ali al-Azim, qu'elle trouvera la vérité, elle sera vite convaincue de l'islam. Mais si quelqu'un prend le Coran avec des préjugés, dans son cœur déjà il se dit, le Coran n'est pas vrai, le Coran c'est des mensonges, mais donnez-moi ce Coran, je vais le lire, donnez-moi, je sais que c'est mensonge, mais donnez-le-moi. Celui-là, vous savez qu'est-ce qui va se passer chez lui quand il va lire le Coran? Il va s'égarer plus qu'il n'était auparavant. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به الفاسقين. Allah Ta'ala, en parlant du Coran, il a dit, il guide avec ce Coran beaucoup de gens. Et avec ce Coran lui-même, il a dit, il égare beaucoup de gens. Naam, en lisant le Coran, tu peux être égaré. D'après quoi? D'après, avec quel cœur tu lis le Coran? Avec quel cœur tu as ouvert le Coran? Avec quel but? Qu'est-ce qu'il y a comme but dans ton cœur? Tu veux la guider ou bien tu veux trouver des fautes dans le Coran? Tu veux connaître la vérité pour adorer Allah, ou bien tu veux trouver que et prouver que le Coran est faux? C'est pour ça que tu as ouvert le livre. Naam. Donc cela dépend pourquoi tu ouvres le cœur. Et comme j'ai dit, le cœur c'est la chose la plus importante que Allah Ta'ala nous ait donnée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il y a dans le corps un morceau de chair. Il a dit ce morceau de chair, s'il est bien, hein, tout le corps sera bien. S'il n'est pas bien, tout le corps ne sera pas bien. C'est quoi? Il a dit le cœur. Naam. Si vous trouvez. Pourquoi il a dit si le cœur est bien, tout le corps sera bien et le contraire? Parce que ce que fait le corps, c'est d'après ce qu'il y a dans le cœur. Si dans le corps, tu vois quelqu'un boire l'alcool et faire la zina, c'est que le cœur n'est pas bien. Si tu vois quelqu'un faire la prière et jeûner le lundi et jeudi, c'est que son cœur est masha'Allah. Donc c'est le cœur qui commande. Le corps, c'est rien. Le corps, c'est d'après ce qu'il y a dans le cœur. Il y a dans le cœur Allah Ta'ala et son amour et son paradis. Il y aura dans le corps salat, zakat, hajj, jeûne, qiyam al-layl, la nuit, la prière de la nuit, la véracité dans les paroles. Il y a dans le cœur perversité, naam, perversité, être loin d'Allah, naam, la haine de l'islam. Hein? Et il y aura dans le corps quoi? Tous les péchés du monde. C'est donc d'après ce qu'il y a dans le cœur. C'est impossible. C'est impossible parce que la relation entre cœur et corps est tellement étroite que c'est impossible qu'il y ait contradiction. C'est impossible que quelqu'un fasse le bien, masha'Allah, alors que son cœur est dur ou n'est pas bien. Et c'est impossible que quelqu'un fasse les péchés, les grands péchés, alors que son cœur est masha'Allah. C'est impossible. Pour vous donner un exemple et que vous compreniez mieux, imaginez, j'ai une marmite. Naam, j'ai une marmite. Dites-moi, est-ce possible d'après vous que je mette de l'eau dans la marmite et que je mette des pommes de terre? Et je couvre la marmite et je la laisse bouillir. Ensuite, je viens, j'ouvre la marmite et je dis, je vais manger l'agneau. Naam, je vais manger la viande. Je vais manger le poulet. C'est impossible. Pourquoi? Tu ne vas manger que ce qu'il y a dans la marmite. Qu'est-ce que tu as mis dans la marmite? Tu as mis des pommes de terre. C'est impossible que tu trouves à l'intérieur une poule ou là un canard. Poule. C'est impossible. Ni les poissons. Tu vas trouver des patates que tu as mises dans de l'eau à bouillir. La même chose dans le cœur. Si le cœur est mashallah, tu vas trouver dans le corps ce que tu fais avec tes mains, tes pieds, ce que tu dis avec ta bouche, ce que tu vois avec tes yeux, tu vas. Et si tu as un cœur qui n'est pas bien, tu vas faire des choses qui sont a'oudou billah, qui sont a'oudou billah. Et le contraire est vrai. Si on voit apparemment que tu ne fais que des choses masha'Allah, c'est que ton cœur est masha'Allah. Et si on ne voit que l'alcool, le vol, la drogue, la zina, la loterie, ça veut dire que ton cœur est a'oudou billah. Dès que le cœur, c'est très important. Et c'est plus important que le corps, dalil. Le dalil que le cœur est plus important que le corps. Il y a une grande relation entre les deux, je l'ai dit. Mais le cœur est plus important que le corps. Quel est le dalil? Tu peux dire ou faire avec le corps des choses qui sont a'oudhu billah, mais que Allah Ta'ala te pardonne. Si par exemple, comme je viens de citer tout à l'heure, tu es dans la contrainte. On te met un revolver sur la tempe. On te dit, insulte Allah, insulte l'islam. Revolver sur la tempe. Donc, le corps, que va dire? Avec la bouche, tu vas insulter Allah. A'oudhu billah. Et Allah Ta'ala va te pardonner. Pourquoi? L'essentiel, c'est le cœur. Le cœur est plein de foi. Et dans ton cœur, tu dis, c'est vous que j'insulte. Et c'est vous que je suis en train d'insulter. Et khubata, c'est pas Allah. Allah Ta'ala te pardonne. Pourquoi? L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le cœur, beaucoup plus que ce qu'il y a dans le corps. J'ai dit, la preuve que le cœur est très important, c'est que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront utiles. Bien sûr, le jour de la rétribution. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront utiles. Sauf celui qui vient à Allah avec quoi? Il vient à Allah avec quoi? Avec la salat, la zakat, avec quoi? Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Avec un cœur saint. Pas un corps, un cœur. Sauf le jour de Qiyama sera sauvé, sauf celui qui viendra avec un cœur saint. C'est quoi venir avec un cœur saint? C'est venir avec un cœur qui ne contient pas au moins deux choses. Le shirk, parce que Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk. Et deuxième des choses, ne contient pas l'innovation, la bid'a. La bid'a. Car l'innovation, c'est un grand péché. Naam. Et vous savez que quelqu'un qui est innovateur, son péché est beaucoup plus grand que quelqu'un qui quoi? qui boit de l'alcool, ou qui vole, ou qui joue à la loterie, ou qui tue quelqu'un. Pourquoi? Parce que celui qui boit l'alcool, fait la zina, vole, joue à la loterie, tue quelqu'un, sait que tout cela est haram. Et ce qu'il fait, il sait que c'est faux. Et il sait que demain, quand il va mourir, c'est difficile pour lui et c'est grave. Tandis que celui qui fait l'innovation, en même temps, il est en train de faire des choses qui vont à l'encontre de l'islam, mais il ne sait pas qu'il est dans le faux chemin. C'est ça le malheur. Il croit que c'est toi qui es dans le faux chemin. Et lui, il est dans le vrai chemin. D'ailleurs, il va te citer même un verset ou deux pour appuyer et corroborer quoi ? Sa aqida, ce qu'il est en train de défendre. Il va même te citer deux ou trois hadiths aussi. Donc, l'innovateur, c'est grave. Celui qui boit de l'alcool est beaucoup mieux que lui. Il n'y a pas une personne musulmane qui ne boive pas de l'alcool sans qu'elle sache que c'est haram. Tu dis c'est haram, Allah yahdina, Allah yahdini, c'est grave pour moi, inshallah demain je vais faire la tawbah, inshallah je vais aller au hajj, inshallah ceci, cela. Tout le monde sait. Demandez à celui qui fait la zina. Tout le monde sait que c'est haram, les musulmans. Mais l'autre, celui qui fait la bid'a, il te dit c'est toi qui fais la bid'a. C'est toi qui as ramené une nouvelle religion. Naam, toi tu as ramené une nouvelle religion. Tu dis moi j'ai le hadith, j'ai le verset qui dit ceci, ceci, ceci, cela. Allah l'Azim. Ya, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de la bid'a. Qu'il nous préserve de la bid'a. Naam. Tayyib, en parlant des cœurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Sourate Al-A'raf. Sourate Al-A'raf, verset 179. Sourate Al-A'raf, verset 179. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Écoutez ce que Allah Ta'ala a dit. Et nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi, ya Allah? Pourquoi vont-ils aller en enfer? Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Subhanallah. Moi, quand je dis un verset pareil, j'ai beaucoup peur. Subhanallah l'adhim. Regardez, ceux qui vont rentrer à Jahannam, des djinns et des hommes. Les êtres humains et les djinns, pas seulement les êtres humains. Pourquoi ils vont rentrer? Première des choses, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils n'ont pas employé leur cœur pour comprendre. Ils ne comprennent pas cela. Non, mais avec leur cœur, c'est-à-dire, ils font fonctionner leur cœur dans des choses inutiles. Pour aimer le faux amour, pas l'amour du halal. Pour entendre la musique, pour ceci, pour cela, leurs cœurs sont embrouillés, subhanallah l'adhim. Et ils ont des yeux mais ne voient pas. À quoi ça sert que Allah Ta'ala te donne des yeux si tu n'as pas vu avec tes yeux la vérité éclatante qui est là devant toi de l'existence d'Allah Azza wa Jal et qu'il doit être adoré et que c'est lui le seul qui mérite l'adoration et que la seule religion valable de nos jours, c'est l'islam. Naam. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète, le dernier. Tout cela, tu ne l'as pas vu. C'est comme ça, devant toi. Les cieux prouvent cette chose. Les montagnes, les mers, les arbres, tout cela prouve l'unicité de Allah Azza wa Jalla. Et toi, tu n'as pas vu cela. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils n'ont pas le temps d'entendre un verset ou bien d'entendre le Adhan. Il y a des gens qui sont morts sans jamais entendre le Adhan durant toute leur vie. Subhanallah l'Adhan. Naam. Alors je ne parle pas de il n'a pas le temps d'écouter un dars. Non, ça c'est trop beau. Je parle seulement. Tu lui dis deux mots sur l'islam, tu dis ne me parle pas. Ne me parle pas de ça. Ne me parle pas. Naam, il y a des gens comme ça. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Alors ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés. C'est-à-dire les bestiaux sont mieux qu'eux. car le bestiau, on dit un bestiau, car le bestiau n'a pas de châtiment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Donc, s'il n'adore pas Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui pardonne. Il lui dit, je t'ai pas donné de raison. Ton cerveau était très petit, tu ne sais que manger et boire et t'accoupler. Je te pardonne. Mais les gens, je leur ai donné subhanallah, la raison pour qu'ils comprennent, pour qu'ils méditent, pour ceci, cela, et ils n'ont pas voulu suivre. Et encore, les bestiaux connaissent Allah. Non, les bestiaux disent subhanallah, subhanallah. Les bestiaux font la prière. On le verra, inshallah, tout à l'heure dans le dars, quand je continue, ou bien dans le prochain dars. المهم وعقيدته أهل السلف نعم وعقيدته d'ailleurs la preuve que quelqu'un quand il veut et il emploie son cœur et il emploie ses yeux et il emploie ses oreilles pour connaître la vérité, Allah Ta'ala l'aide. Tu veux te rapprocher d'Allah ton créateur et il t'aide pas? Comment cela? C'est impossible. N'a-t-il pas dit, Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans un hadith authentique que si la personne faisait un empan pour s'approcher, Allah Ta'ala se rapprochait d'elle d'une coudée? N'a-t-il pas dit que si tu viens en marchant, tu viens vers toi en courant? Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit ça? Dès que tu bouges le petit doigt, Allah Ta'ala est devant toi là pour te guider et te montrer. Fais seulement dans ton cœur l'intention que j'ai envie de faire tauba, que j'ai envie de connaître l'islam, que j'ai envie d'adorer Allah. Et tu vas voir comment tu vas trouver toutes les portes s'ouvrir. Naam, Allah Ta'ala dit dans le Coran, « In ya'lami Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran » Si Allah Ta'ala sait, ou la connaît dans vos cœurs, qu'il y a du bien, il vous donne du bien. C'est un verset. Si Allah Ta'ala, car Allah Ta'ala a que fait, il voit ce qu'il y a dans les cœurs. Dès qu'il voit que ce cœur de cette personne-là, X, veut le bien, veut connaître, veut se rapprocher de moi, veut me connaître, veut mon paradis, ne veut pas l'enfer, et il commence à lui ouvrir les portes. Ensuite, il voit le cœur de cette deuxième personne. Cette personne qui était masha'Allah, qui était pratiquant, masha'Allah, pratiquante, maintenant, je vois d'elle qu'elle ne veut plus cela. Elle commence à dire, j'en ai marre. Elle commence à dire, Et moi, et c'est beaucoup la salat, et c'est beaucoup le djilbab, et c'est beaucoup, et j'étais mieux. C'est comme ça. Allah Ta'ala t'enlève ce que tu as dans le cœur et le donne à une autre personne qui en a besoin. Car Allah Ta'ala, c'est le sage, c'est le grand sage, le plus sage. Et le sage, c'est celui qui met la chose en sa place convenable. Alors toi, ton cœur, si Allah Ta'ala, tu ne veux pas de cet islam, et Allah Ta'ala te donne l'islam à l'intérieur et son amour, c'est que Allah Ta'ala, astaghfirullah, n'est pas sage. Il n'a pas mis la chose en sa place convenable. Naam. Alors, Allah Ta'ala, puisque c'est le plus sage, il met la chose en sa place convenable, alors il va t'enlever cette chose que tu ne veux pas, cet islam que tu ne veux pas, il va le donner à une autre personne, à un chrétien qui veut rentrer en islam et à un juif qui veut le rentrer. Il lui donne et toi, il te l'enlève. Pourquoi? Il te fait du tort? Non. C'est une question de cœur. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Tu ne veux pas te rapprocher. Tu veux t'éloigner. Tu dis moi. Regardez. Dites-moi si vous m'entendez. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui fait mal au cœur, mais je dois la dire. Non, c'est venu comme ça, puisque je parle de ça, c'est venu d'elle-même. Regardez. Il y a peut-être 2 mois, une sœur m'a écrit. Quelque chose qui fait mal, mais je vais la dire. Elle me dit, j'en ai marre de astaghfirullah, presque de cet islam. J'en ai marre de la salat. Je la fais forcer. Naam, je la fais forcer. Naam, ensuite elle a dit beaucoup de choses. J'ai oublié tellement, ça m'a fait mal. Et la dernière phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Je pense même à jeter mon hijab. Je pense à jeter mon hijab car je voudrais que je sois comme avant. Comment comme avant? Je voudrais même que les hommes me regardent avec désir. Allah al-Musta'an. Je voudrais, si j'étais sans hijab comme auparavant, et les gens me regardent avec désir, etc. Normalement, cette sœur, voilà, je dis pas cette sœur, cette femme, Allah yahdiha, normalement je lui réponds car elle a besoin d'aide. Non, celle-là, elle a déjà jeté un pied à Jahannam. Il lui reste seulement qu'elle meure pour qu'elle jette le deuxième pied si elle ne fait pas la tauba. Normalement, moi, qui suis responsable, je lui aurais écrit et soutenu, etc., etc. Peut-être qu'Allah Ta'ala l'a yahdiha. Mais moi, elle m'a tellement énervé que j'ai plus voulu relire cette lettre et je me suis éloigné tellement ça m'a fait mal. Tellement ça m'a fait mal directement. Je voudrais tout jeter et revenir vers ce que j'étais. Allah Ta'ala va t'enlever ça très bientôt. Dame, tu veux jeter. Allah Ta'ala va te jeter avant que tu jettes toi le hijab. Avant de le jeter, Allah Ta'ala va te jeter de l'autre côté. Tu vas te trouver de l'autre côté. En détestant l'islam, en détestant le hijab, en détestant les musulmans. Naam, très bientôt. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite à cette femme. On lui souhaite qu'Allah Ta'ala lui raffermisse son cœur et qu'il l'aide et qu'il soit avec elle et qu'il la rapproche encore. Allahumma ahdiha ya Rabbi al-alamin wa ahdina jami'an. طيب بلا ديسي وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنهم يقولون maintenant va montrer que si tu veux être de أهل السنة والجماعة dans le Coran, en ce qui concerne le Coran, tu dois attester 5 choses. Et faites bien attention à ces 5 choses qui vont venir. En ce qui concerne la parole d'Allah, tu dois attester 5 choses. La première, أن القرآن كلام الله. Première des choses, que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas la parole de Jibril, ni la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la parole d'un ange, ni la parole d'un djinn, ni la parole d'un être humain. C'est la parole d'Allah Ta'ala. Naam. Et que c'est harf, des lettres et une voix. Des lettres et une voix. Et que bien sûr, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas, ça n'a pas été créé. On va venir. Donc, première des choses, que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Deuxième des choses, أنه منزل. Non, que le Coran, la parole d'Allah, a été descendu. Descendu. Naam. Descendu. Ça n'est pas sorti de la terre. Ni elle est venue à droite, ni de gauche. Elle est descendue. D'en haut. D'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Baqara 185. Tout le monde connaît le verset. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. Il est descendu. Non, il faut dire que ce soit descendu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ » Shu'ara, 192-194. « وَإِنَّهُ » en parlant du Coran, « تَنْزِيلُ » la descente de « رَبِّ الْعَلَمِينَ » « رَبِّ الْعَلَمِينَ » Non. Qui est descendu avec ce Coran ?« نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينَ » C'est Jibril qui l'a fait descendre. Ruhu al-Amin. Naam. Ala qalbik, sur ton cœur. Litakuna min mundirin. Pour que tu sois de ceux qui, yani, de ceux qui montrent aux gens l'islam, etc. Naam. Litakuna min mundirin. Shu'ara 192-194. Donc vous remarquez. Wa innahu la tanzilu Rabbil Alamin. C'est Rabbil Alamin qui l'a fait descendre. نزل به الروح الأمين كي لا في ديسون جبريل عليه السلام sur qui sur محمد صلى الله عليه وسلم il la fait descendre sur محمد صلى الله عليه وسلم sur sa tête ou bien où sur son cœur vous savez que on lui a ouvert son ventre on a fait sortir son cœur et on a jeté quelque chose qui se trouvait à l'intérieur et on a lavé son cœur. Et on l'a rempli de sagesse et on l'a refermé. Si Allah Ta'ala n'avait pas fait ainsi, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait quoi? N'aurait pu, yani comment dire ce? C'est pas souffrir. N'aurait pu, yani, accepté. Il n'aurait pas eu la puissance de recevoir le Coran dans le cœur. Tellement c'est difficile. Le Coran, comme a dit Allah Ta'ala, s'il le faisait descendre sur une montagne, la montagne s'ébranlerait et s'effondrerait. Une montagne avec des pierres, des cailloux, des rochers. Elle va devenir en miettes. Qu'en est-il s'il va le faire descendre sur le cœur d'une personne? Sallallahu alayhi wa sallam a été lavé très jeune et a été rempli de sagesse et fortifié pour qu'il accepte la descente du Coran. Et malgré cela, quand Jibril alayhi salam venait pour révéler le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse Aïcha radiallahu ta'ala a dit, parfois c'était dans des périodes de froid. Vous connaissez le froid dans les pays quoi? Dans les pays dans l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Ce n'est pas comme le froid de la France ou du Canada. Un froid qui directement rentre dans les eaux. Al-Muhim. Et que dit Aïcha? Elle dit que quand il lui est révélé le Coran d'Ibril, Naam, des fois, avec le grand froid qu'il y avait, je voyais la sueur sortir de quoi? Subhanallah al-Azim, du front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, il fait froid, je ne sais pas combien, 0 degré ou là, et tu as la sueur. D'où est venue la sueur? La difficulté. C'est tellement difficile quand le Coran descend sur son cœur par l'intermédiaire de Jibril. Jibril, alayhi salatu salam. Naam. Donc ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit fidèle Jibril est descendu avec cela, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre de qui? Des avertisseurs. Naam. Donc, c'est la deuxième chose. Troisième chose, غَيْرُ مَخْلُوق. La parole d'Allah, le Coran d'Allah, n'a pas été créé. On a montré que ceux qui disent que Allah Ta'ala, que le Coran est créé, ou bien ils ont fait du coffre, ou bien ils sont kuffar. L'une des deux choses. Ou bien ils ont fait du coffre, parce qu'ils ne savent pas, etc. On leur apprend la chose. Ou bien ils disent non. Non. Je dis idée, il est créé. Et je n'ai pas décrit. La parole d'Allah est créée. Et là, il est devenu kafir, bien sûr. Il est devenu kafir. Quel est par exemple le délit que la parole d'Allah n'a pas créé, tel que le Coran n'est pas écrit? On dit, la parole d'Allah, c'est un attribut. C'est un attribut, qu'un attribut d'Allah a été créé. Tu peux dire, toi, que les mains d'Allah ont été créées, tu peux dire que les yeux d'Allah ont été créés, et comme ça. C'est impossible, ça. Ici, c'est la parole d'Allah. C'est un attribut. Et la parole d'Allah, vous savez que c'est un attribut de l'essence, et en même temps, un attribut de l'acte. Comme vous devez le savoir, et comme on l'a vu une fois. Tayyib. Quel est le délit aussi qu'il n'a pas été créé? Il a dit, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, « Ala lahu al-khalqu wal-amra » Al-A'raf, page 5, Al-A'raf, verset 54. Allah Ta'ala a dit, « Ala lahu al-khalqu wal-amra » Al-A'raf, 54. Qu'est-ce que ça veut dire? « Lahu al-khalqu wal-amra » Lahu al-khalqu wal-amra. Regardez, écoutez bien. Muslim, cherche-moi ce verset, tu vois, jazakallahu khair. Ala lahu al-khalqu wal-amra. Où est le verset là? Seigneur du il a créé les cieux en ces jours. Quran et Sunna, il n'y a pas le verset que je cherche dans ces quatre phrases. Araf 54. Votre Seigneur, il a créé les cieux. Il a créé sous la Naam, mais de toute façon, moi je voulais seulement le verset qui dit, regardez ce verset, hein. Regardez ce verset. La création, attendez, je vais copier si je peux. La création et le commandement, Naam, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Lahu al-khalq wal-amr. Vous remarquez, Allah Ta'ala a dit, la création, il a la création et il a le commandement, c'est-à-dire l'ordre. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a? Il a la création et il a l'ordre. Ensuite, dans un deuxième verset, il a dit وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الشورى 52. الشورى 52. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et ainsi, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre ordre. Regardez, écoutez le verset, deuxième verset. Et c'est ainsi qu'on t'avons révélé un esprit. Un esprit, c'est le Coran. Ruh. Un esprit de notre ordre, de notre commandement. Donc, Allah Ta'ala a dit que le Coran venait du commandement, venait de l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'il reste de l'autre côté? Il reste la création. Suivez bien avec moi. Il n'y a que deux choses. Il y a la création et il y a le commandement. Le commandement, c'est l'ordre. Hein? Il y a la création, il y a l'ordre. Allah Ta'ala, en parlant du Coran, il a dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire le Coran, provenant de notre ordre. Or, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Il y a la création, il y a quoi? Il y a l'ordre. Et le Coran, il est de quoi? Il fait partie de la création, il fait partie de l'ordre. Il fait partie de l'ordre. Nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Donc, le Coran n'est pas la création. Vous avez compris? Il y a la création, il y a l'ordre. Et le Coran fait partie de l'ordre, donc le Coran n'a pas été créé. Il ne fait pas partie de la création. C'est très simple. Non. Un autre verset très simple, un autre verset très simple qui prouve que le Coran n'a pas été créé. Tout le monde connaît Sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman. Que dit Allah Ta'ala dans le premier verset? Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Ar-Rahman. Qu'a fait le Rahman? Qu'a fait Allah Ta'ala? Ar-Rahman. Tout miséricordieux. Qu'a-t-il fait? Allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. Premier verset. Et deuxième verset, خلق الإنسان. Il a créé l'être humain. Vous avez remarqué? Le tout miséricordieux. Qu'a fait-il? Il a enseigné le Coran. Et après, juste qu'est-ce qu'il a dit? Il a créé l'homme. Vous voyez la différence? Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme. Il n'a pas dit, il a créé le Coran, il a créé l'homme. Et il n'a pas dit, il a enseigné le Coran, il a enseigné l'homme. Il a bien fait la différence. En parlant du Coran, c'est l'enseignement. En parlant de l'être humain, c'est quoi? C'est la création. Donc, le Coran a été enseigné et non pas créé. Et l'homme a été créé et non pas enseigné. Subhanallah al-Azim, très clair. Très clair pour qui? Pour celui qui a un cœur, qui a des yeux, qui veut entendre et qui a des oreilles pour écouter. Non. Donc, troisièmement, il doit dire que le Coran n'a pas été créé. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il doit dire? Naam. Minhu bada'a. Et cinquièmement, il doit dire Minhu ya'ud, ilayhi ya'ud. S'il dit passer cinq choses dans la parole d'Allah, c'est que cette personne est une personne égarée. Si une personne ne dit pas les cinq choses que je viens de dire en ce qui concerne la parole d'Allah, cette personne est égarée. Bien sûr, elle est égarée en ce qui concerne la parole d'Allah. Mais elle n'est pas égarée, elle est l'égarement qui l'a fait sortir de l'islam. C'est quoi la quatrième chose? Je répète. La première chose, c'est que c'est la parole d'Allah, le Coran. Deuxième des choses, c'est que ça a été descendu. Troisième des choses, ça n'a pas été créé. Quatrième des choses, minhu bada'a. Minhu. La parole d'Allah, le Coran d'Allah, de lui, il a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? De lui, il a commencé. On dit de lui, il a commencé. C'est-à-dire que c'est Allah Ta'ala qui a parlé du Coran. Yani, direct, mieux comprendre cette chose, que le Coran de Allah a commencé. Pour que vous compreniez cette chose, il faudrait connaître une bid'a, la bid'a des Mu'tazila. Que disent les Mu'tazila? Les Mu'tazila, lorsque Allah Ta'ala a révélé le Coran, lorsque Allah Ta'ala a révélé le Coran, hein, à Jibril alayhi salam, ils ont dit, ce n'est pas Jibril qui l'entendait. Naam. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, la parole d'Allah, de lui a commencé. Jibril, sans voir Allah, entendait. Jibril, sans voir Allah, il entendait parler. Il y a Jibril, fait ceci, cela. Il y a Jibril, aime cette personne, je l'aime. Il y a Jibril, je déteste cette personne, déteste-la. Il y a Jibril, va au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui tel et tel verset, dis-lui qul huwallahu ahad, Allah samad, va au prophète et dis-lui ceci et cela. Nous, comme ça on dit, les mu'tazilites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Puisque, pourquoi? À cause d'eux, ils disent que Allah Ta'ala ne parle pas. Ils disent Allah Ta'ala ne parle pas, c'est quelque chose en son fort intérieur, on ne peut pas l'entendre. Nous on dit non, on l'entend avec voix et lettres. Alors eux, puisqu'ils disent qu'ils ne parlent pas, ils disent que personne n'entend Allah Ta'ala parler. Et bien sûr, ils disent que aussi Allah Ta'ala ne se voit pas. J'allais dire que j'allais faire une doua contre eux et dire que Allah Ta'ala ne vous le voyez pas le jour du jugement dernier. Al-Muhim. Alors ils disent, puisque le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, et que ce n'est pas une parole avec des lettres et une voix, alors Jibril n'a pas entendu Allah parler. Alors comment il lui a révélé? Ah, il lui a révélé. On va vous dire comment il lui a révélé. Ils disent, Allah Ta'ala a parlé à un arbre. Allah Ta'ala parle à un arbre. Et Jibril alayhi salam va mettre son oreille contre l'arbre. Ou bien sur l'arbre. Ça fait rire. Et il entend ce que Allah Ta'ala a dit. Ensuite, il va au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, voilà Allah Ta'ala ce qu'il t'a dit. Non. Coran et Sunna, tu as compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je veux dire? Ils disent, non, Allah Ta'ala n'a pas une parole. Mais Allah Ta'ala a parlé à un arbre et Jibril va écouter l'arbre et va prendre la parole d'Allah de l'arbre. Et nous, on lui dit, il y a deux grandes fautes ici. Non. Premièrement, si on dit cela, ça veut dire donc quel est l'avantage de Jibril sur Naam, quel est l'avantage de Jibril sur les autres? Sur les autres. Jibril a bien un grand avantage. C'est lui l'intermédiaire qui, l'ambassadeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et ses prophètes. C'est lui qui s'occupait spécialement de la révélation. Naam. Deuxièmement, on lui dit donc l'arbre est mieux que Jibril. L'arbre est mieux que Jibril parce que l'arbre a entendu directement Allah Ta'ala et a gardé la parole en lui. Ensuite Jibril vient la prendre de l'arbre. Donc l'arbre est mieux que Jibril. L'arbre entend Allah et Jibril ne l'a pas entendu. Ensuite on lui dit comment un arbre, subhanallah al-adhim, sur lequel un chien peut uriner, contient la parole d'Allah. On avait pu venir uriner sur l'arbre et partir. Et cet arbre contient la parole d'Allah. Soyez raisonnable. Soyez, yani, faites un peu, yani, bougez votre cervelle. Naam. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? Quatrième des choses, on dit la parole d'Allah, de lui a commencé. Elle n'a pas commencé d'un arbre ou là, d'une montagne. De lui. Allah Ta'ala l'a parlé directement et Jibril alayhi salam l'a entendu. Et l'a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit quatrièmement, de lui a commencé. La parole d'Allah, de lui a commencé. Et on ne dit pas aussi comme disent certains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jibril alayhi salam a pris et prenait la parole d'Allah de la table préservée. Il va à la table préservée, il prend la parole d'Allah et il descend. Et certains disent que Jibril prend la parole d'Allah d'une certaine maison, Bayt al-Izzah. Il va là-bas, il prend la parole d'Allah et il descend. On lui dit non. De Allah Ta'ala a commencé. Jibril va directement et écoute Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il dit. Il ne le voit pas, c'est tout. Mais il l'écoute. Et il prend sa parole et il descend avec sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, cinquièmement, que doivent dire Al-Sunnah al-Jama'a? Ils doivent dire que wa ilayhi ya'ud, et à lui reviendra la parole. La parole d'Allah, de lui a commencé et à lui reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire à lui reviendra? Non. Suivez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que il va venir et à lui reviendra la parole. Ça veut dire que une nuit, non, je ne sais pas quand, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, je ne sais pas quand, va y avoir une nuit. Ou qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une nuit où les gens vont s'endormir. Comme nous, on va terminer le dars, on va s'endormir. Et le lendemain, ils vont se lever et pour réviser ou pour lire quelque chose, tu ne vas trouver aucun verset à l'intérieur. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est un hadith sahih, bien sûr. Subhanallah al-Azim. On demande à Allah Ta'ala qu'on ne soit pas présent ce jour-là. Imagine, tu ouvres le Coran, il est là devant toi. Il n'y a aucun mot à l'intérieur, ni une lettre, les pages blanches. Blanches. Subhanallah al-Azim. C'est très grave. Naam. Et encore mieux, il n'y aura même pas le Coran dans les cœurs des gens et dans leur poitrine. Hein? C'est-à-dire que tu dis, bon, il n'y a pas dans le Coran, attends, je vais réciter ce que je connais moi. Tu essayes, tu ne pourras pas faire sortir un mot du Coran. Tu essayes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu essayes, subhanallah al-Azim. Tu connaissais bien, sort Samad. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد tu peux pas خلاص الله تعالى l'a enlevé des cœurs. Tu peux pas l'inventer. C'est une parole qui était dans ton cœur. Allah Ta'ala l'a prise, et c'est pour ça qu'on dit, et à lui reviendra la parole. Naam. Et ceci, ça arrivera quand? On demande à Allah Ta'ala qu'on soit pas présent ce jour-là, pendant cette période. Ça arrivera le jour où les gens, naam, ne veulent plus de ce Coran. Et ne veulent plus ni le lire, ou bien ils le lisent et ne le méditent pas, ou bien ils lisent, le méditent et ne l'appliquent pas. Dans ce cas, puisque les gens ne veulent plus du Coran, ou bien vont dire le Coran c'est quelque chose de dépassé. Maintenant, les Américains et les autres et les Anglais, ils ont inventé ceci, cela, place, le Coran c'est dépassé. Naam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils ne veulent plus de ce Coran, ni le lire, ni le réciter, ni le méditer, ni rien, alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir, tellement le Coran a de l'importance pour lui, et les gens ne veulent plus de lui, il va le relever vers lui. Comme il l'a fait descendre, maintenant c'est le contraire. Il l'a fait, il va le faire relever vers lui. C'est très grave, na'am. Exactement un peu pour que vous... C'est comme la Kaaba. Vous connaissez la Kaaba qui est en plein Mecque? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que un jour viendra un homme de l'Éthiopie. Il a même cité qu'il était maigre et qu'il avait les pieds arqués, cuisses comme ça, arqués, et que il viendra avec une grande armée, et qu'est-ce qu'il fera? Il démolira la Kaaba, pierre par pierre, et ils se mettront debout, l'un devant l'autre, un mètre. Tous les mètres, il y a un soldat. Tous les mètres, comme ça, celui qui est devant la Kaaba, il démolit, il prend la pierre, il la donne à celui-là, celui-là la donne à celui-là, celui-là la donne à celui-là, et le dernier qui est devant la mer, il la jette dans la mer. Subhanallah al-Azim. La Kaaba, naam. On a démolir pierre par pierre. Alors que Abraha, que vous connaissez tous, lorsqu'il a voulu démolir la Kaaba, il est venu avec son éléphant. Vous connaissez l'histoire. وَرْسَلْنَا عَلِهِمْ طَيْرًا أَبَابِيدْ تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّدْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ. Alors que Allah Ta'ala a arrêté l'éléphant. Il ne l'a pas laissé approcher. Naam, il restait je ne sais pas combien de kilomètres, il ne pouvait plus approcher. On venait derrière l'éléphant, on le frappait, on le piquait, on veut lui brûler sa queue ou son derrière, ou pour qu'il avance, il n'avance pas. Et dès qu'on le tourne un peu de l'autre côté vers le Yémen, il commence à galoper. Ensuite on court derrière lui, on l'arrête. On le tourne du côté de la Mecque, il ne veut pas mettre un pas. Un pas, il ne veut pas approcher. Pourquoi? Car Allah Ta'ala, quand il a voulu que la Kaaba, personne ne la touche. Car Allah Ta'ala savait qu'il allait y avoir un prophète qui s'appelait Muhammad, et que les gens vont tourner autour de la Kaaba et les adorations, etc. Mais maintenant, les gens ne veulent plus de la Kaaba, ne veulent plus de l'islam. Il va laisser des Éthiopiens, celui-là avec les pieds arqués, il va les laisser démolir la Kaaba. La même chose pour le Coran. Les gens ne veulent plus du Coran. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va le relever comme il l'a fait descendre. Et quand il va relever le Coran, il n'y aura plus le Coran, ni dans le corps, ni dans nos cœurs, alors c'est la fin du monde. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fin du monde se fera sur des gens yani, qui seront vraiment loin, loin du din. Jusqu'à ce que les gens ne disent plus Allah, Allah, il n'y a rien. C'est là qu'il y aura la fin du monde sur les plus mauvais gens. Les plus mauvaises personnes, c'est sur elles qu'il y aura la fin du monde. Naam. Je voudrais vous dire que une chose pour terminer, une chose pour terminer, ce que je vais dire ici, minhu bada ila yaoud, c'est cinquièmement, je n'ai pas trouvé ici une chose très importante. Allez, je préfère laisser là cette chose pour la prochaine fois, je crois que c'est mieux. Il est 11h05. Le prochain dars, c'est quoi? C'est comment on verra Allah Ta'ala le jour du jugement dernier. Comment on verra Allah Subhanahu wa Ta'ala le jour du jugement dernier. Puisqu'il reste quelque chose sur la parole d'Allah, je voudrais la terminer vite. Comme ça, le prochain dars, inshallah Ta'ala, c'est spécialement sur comment on va voir Allah Azza wa Jalla. Comment les gens, enfin j'ai dit on va voir, je me suis donné beaucoup d'importance. Que Allah Ta'ala nous aide à ce qu'on le voit. Il fasse de nous des croyants et des purs pour qu'on le voit. Mais je voudrais juste terminer quelque chose à dire sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Comme ça, le prochain dars, on n'aura pas à parler sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Non. Il a dit ici, le Coran d'Allah Azza wa Jal est Mubarak, est béni. Non, il a dit, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ. Il parle toujours comment le Coran est descendu. Il a dit, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ. L'An'am 155. C'est-à-dire, et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Quand il a dit un livre, هَذَا كِتَابٌ, vous savez que Jibril alayhi salam n'a pas fait descendre un livre. Vous savez, hein? Jibril alayhi salam, est-ce qu'il a fait descendre un livre? Il n'a pas fait descendre un livre. Il a fait descendre des paroles sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont écrit le Coran. Donc, quand il a dit un livre, c'est parce que ça allait devenir un livre. Et il savait que ça allait devenir un livre. Naam. Et, ou bien, parce que, en arabe, quand on dit kitab, ça veut dire aussi maktoub. Comme on dit, par exemple, la'in, ça veut dire aussi mal'oun. Donc ici, ça a été écrit où? Parce que c'est écrit, par exemple, dans la tablette préservée. En ce sens, la Ta'ala l'a appelé un livre. C'est écrit. Naam. Tout ce qui est écrit, c'est un livre. Et parce que c'est écrit aussi dans les feuilles des anges. Les feuilles des anges. Naam. Il a dit Mubarak. En parlant du Coran, la Ta'ala a dit Mubarak. C'est-à-dire béni. Béni. Naam, Mubarak. Pourquoi il est Mubarak? Pourquoi le Coran est béni? Il est béni parce que c'est une guérison pour les poitrines et les cœurs. Naam. Le Coran, c'est vraiment, si je puis dire, une guérison. Naam. C'est un médicament qui guérit contre quoi? Contre les maladies qu'il y a dans le cœur. Et dans les poitrines. Naam. Quelle maladie il y a par exemple? Il y a les maladies du doute. On doute. Les maladies d'hypocrisie. Les maladies de l'horreur, l'illusion. On se sent que khlas, on va directement au paradis. Khlas, j'ai tout fait. L'enflement, l'orgueil, l'ostentation, la jalousie, l'ignorance et des milliers de maladies. Toutes ces maladies qui sont plus graves que les maladies du corps, sont plus graves que le rhume, le maux de tête, le mal de tête, le mal de la dent, la fièvre. Non, tout ça c'est plus grave. Et pourtant, personne ne leur donne l'importance qu'ils donnent à quoi ? Qu'il donne aux maladies du corps. Et c'est ce qui montre quelle est ta piété? Est-ce que tu donnes plus d'importance aux maladies du cœur ou bien aux maladies du corps? Les gens dépensent des milliards pour aller aux États-Unis, je ne sais pas où, faire des opérations, etc. Quand c'est quelque chose de corps. Et ne font rien quand ils savent qu'ils sont malades du cœur. Ils ne font rien pour se guérir. Naam. Et pourtant, tu peux être le plus malade du corps et avoir en même temps, Allah l'afiya, le cancer et le sida, et rentrer au paradis. Subhanallah l'azim. Naam, tu as toutes les maladies du monde dans le corps et rentrer au paradis. Mais le cœur, s'il est malade, s'il contient la grande maladie du coffre et de l'hypocrisie, la grande hypocrisie, tu ne rentreras jamais au paradis. Et s'il contient des petites maladies, naam, tu rentreras avant de passer par l'enfer. Et passer par l'enfer, c'est une chose très grave. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbana innaka man tudkhil an-nara faqad akhzaytah. Rabbana innaka man tudkhil an-nara faqad akhzaytah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Oh Allah, quiconque tu fais rentrer en enfer, tu l'as humilié. Les savants ont dit, regardez, Allah Ta'ala dit, quiconque tu fais rentrer en enfer, ça veut dire, même s'il rentre une minute en enfer, il a été humilié. En rentrant une minute en enfer, il va sortir comme le charbon ou plus. C'est pour ça que nous, on demande à Allah qu'il nous fasse rentrer directement au paradis. Car tout croyant, ça demeure. La fin, c'est le paradis. Mais moi, ce que je veux, c'est ne pas passer par l'enfer. C'est ce qui est plus important. Naam. Donc, vous voyez, on a beaucoup de maladies dans le cœur et ça ne nous dit rien. L'essentiel, c'est quoi? C'est que je n'ai rien dans le corps. J'ai ma peau, mashallah, je suis beau, les crèmes, les produits, ceci, mashallah, alhamdoulilah. Je suis mashallah, tout le monde me dit, tu es beau, tu es mashallah, tu es en bonne santé. C'est ça l'essentiel. Le cœur, l'hypocrisie, ceci, cela, tout cela, ça n'a pas d'importance à mes yeux. Ce qui montre quoi? Que ma foi est très faible. Naam. Car si j'avais une vraie foi, je penserais beaucoup plus à mon cœur qu'à mon corps. C'est pour ça que les ulama, que disent-ils? Ils disent, le croyant et le pieux est fort de cœur, faible de corps. Et l'hypocrite est fort de corps, faible de cœur. Allah Ta'ala, en parlant des hypocrites, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Il a dit Ta'ala, et si tu les vois, les hypocrites, leurs cœurs vont te plaire. Leur corps vont te plaire. L'hypocrite, il a encore, mashallah, gros, bonne santé, ceci, cela. Pourquoi? Car il ne pense qu'à son corps. Naam. Son corps, il est toujours avec lui, du matin au soir, en train de le préserver, en train de le soigner, en face de la glace, en train de ceci, cela. C'est pour ça, si tu vois le kafir et le munafiq, oh, ton cœur, son corps va te plaire. Mais qu'en est-il de son cœur? Son cœur, il est très faible. Même si tu vois le kafir qui pèse 120 kilos et qui fait la musculation, celui-là, il a un cœur plus petit que le cœur d'un oiseau. Non. Un petit malheur et il tremble miskin. Et le croyant miskin, il est toujours faible. Il le voit toujours un corps maigre à cause de beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières la nuit. Pensif du matin au soir. Qu'est-ce qui va m'arriver demain dans ma tombe? Et demain, quand je rencontrerai Allah Ta'ala, est-ce qu'il va me pardonner la zina que j'ai fait, l'alcool que j'ai bu, les vols que j'ai volés, les mensonges que j'ai menti? Est-ce qu'il va me pardonner? Il va beaucoup peur. Naam. Mais question de cœur, il est mashallah fort dans les malheurs, dans les problèmes qui arrivent. Il est là, inébranlable, comme la montagne. Toujours il revient vers Allah en faisant les doua, en lisant le Coran. Naam. En demandant à Allah Ta'ala de préserver. C'est comme ça. Donc, le musulman, le croyant, est fort de quoi? De cœur. Et il est faible de quoi? Faible de corps. Et l'hypocrite est fort de corps et faible de cœur. Donc, le Coran, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une guérison pour toutes ces maladies que je viens de citer. Et toutes ces maladies que je viens de citer, entre autres l'illusion, l'enflement d'orgueil, l'ostentation, la jalousie, l'ignorance, le doute, l'hypocrisie, toutes ces maladies, tu iras chez le plus grand médecin du monde, il ne pourra pas te donner ce qu'il faut comme médicament. Tu iras à la plus grande pharmacie, tu donneras tout ton argent, ils ne peuvent pas te trouver un remède contre l'hypocrisie ou bien l'ostentation ou bien ton ignorance. Non, sauf si tu reviens vers le Coran. Le Coran, subhanallah l'adhim. Ensuite, le Coran est béni en quoi ? Est béni aussi en ce sens que quiconque croit au Coran, le lit avec méditation et l'applique, Allah Ta'ala va lui ouvrir toutes ses portes. Les portes ici dans la dunya et les portes dans l'au-delà, subhanallah l'adhim. Imaginez que Allah Ta'ala dit dans un verset, Surat al-Furqan, verset 52. Surat al-Furqan, verset 52. Allah Ta'ala dit, en parlant du Coran, hein, en parlant du Coran, pas de l'épée. Il parle du Coran. Il a dit, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٍ كَبِيرًا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٍ كَبِيرًا. Et lutte et combat les kuffars. Avec quoi? Avec ce Coran. N'obéis pas donc aux infidèles, et avec ceux, c'est avec le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Subhanallah al-Azim. Vous lisez bien avec moi ou là vous lisez pas? Celui qui ne lit pas, qu'il lise. Celui qui ne voit pas bien, qu'il mette ses lunettes. N'obéissez pas aux infidèles. Et quoi? Et avec le Coran, va faire le djihad. Va lutter et combattre les ennemis vigoureusement avec quoi? Pas avec l'épée, pas avec le revolver. Avec le Coran. Certes, si tu n'as pas le Coran, tu n'as pas la Sunna, tu ne peux pas combattre l'ennemi. Non. L'ennemi, ce n'est pas seulement les armes. L'ennemi est beaucoup plus fort que toi en armes. Ils ont le nucléaire, ils ont le laser, ils ont des choses que toi tu es en train de dormir. Non. Mais toi tu vas les combattre avec quoi? Tu vas les combattre avec le Coran, la aqida qu'il y a à l'intérieur. Non, le in qu'il y a à l'intérieur. Puis lui, quand il va venir avec son laser, avec je ne sais pas quoi, non, Allah Ta'ala va lui jeter la peur dans son cœur. Et il va s'enfuir. Et toi, avec le Coran, en train de réciter le Coran, tu es quoi? Debout, inébranlable, comme quoi? Comme une montagne. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans un verset, وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةٍ كَثِيرَةٍ بِذْمِ اللَّهِ. Et combien de groupes, disons, peu, ont triomphé sur des groupes nombreux. À cause de quoi? Avec quoi? Bi-idnillah, il a dit bi-idnillah. C'est pas avec les armes. Bi-idnillah. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, qui dit que il n'y aura pas la fin du monde tant que vous ne combattiez pas les juifs. Et il a dit que vous les combattriez jusqu'à ce que le juif se cachera derrière un arbre. Et l'arbre dira, l'arbre va parler, écoutez bien, l'arbre va dire, et toi là-bas, musulman, il y a musulman, viens, il y a un juif caché derrière moi, viens le tuer. Subhanallah al-Azim. Vous remarquez deux choses. Que dira l'arbre? Ya Abdallah. L'arbre dira, Ya Abdallah. Naam, ô toi, l'adorateur d'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un juif derrière moi. Donc, quand tu adoreras Allah comme il faut, tu seras un vrai musulman, l'arbre t'appellera. Allah Ta'ala t'aidera, tu n'as pas besoin de laser. L'arbre, même le tronc d'arbre va parler. Il va te dire, je t'aide dans la guerre sainte. Car tu es un vrai croyant, tu appliques. Bien, je t'aide, Allah Ta'ala m'a ordonné de parler. Naam, dis aux Américains de faire parler un arbre, s'ils peuvent. Je te dis, moi je parle et je te dis, viens, il y a derrière moi un Yahoudi. Donc l'arbre va devenir un soldat bi-idnillah. Subhanallah al-Azim. Naam, l'arbre va devenir un soldat, il va te dire, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, sauf un arbre, sauf une sorte d'arbre, qui s'appelle Rardaq. Naam, il a dit, il y a un arbre seulement qui ne va pas parler. Cet arbre-là, naam, n'aime pas, ne veut pas dire il y a derrière moi un musulman, un juif. Et on dit que les juifs qui connaissent bien notre religion, hein, cet arbre qui s'appelle Rardaq, qui ne va pas parler, Rardaq ou Rarqad, l'un des deux, ils ont dit, dès maintenant, ils ont commencé à le planter. Ils ont fait une réunion, ils ont dit, si jamais ça se passe la guerre sainte, voilà ce que leur Mohammed a dit. Et leur Mohammed, même si on ne croit pas en lui, on sait que tout ce qu'il dit est vrai. Alors commençons à planter cet arbre. Comme ça, il ne va pas nous dévoiler cet arbre. Naam. Taïeb, où est-ce que j'étais ici? Le Coran est béni aussi en quoi? Pourquoi le Coran est béni? Le Coran est béni en sa récitation et en sa lecture. Tu imagines, tu lis une lettre, tu as 10 récompenses. Tu lis une lettre, tu as 10 récompenses. Tu dis Elif Lam Mim, tu as 30 récompenses. Tu dis Bismillah Rahman Rahim, tu as 190 récompenses à cause qu'il y a 19 lettres. Alors imaginez combien de récompenses on ne fait pas. Pour ceux qui ne lisent pas le Coran, combien de récompenses passent au-dessus de notre tête et ne se marquent pas dans notre compte parce que on ne lit pas le Coran. Combien des milliers de récompenses. Imaginez quelqu'un qui lit par exemple Sourate al-Baqarah en un jour. Sourate al-Baqarah, combien de lettres il y a dans le Baqarah? Je suppose des millions, si ce n'est pas des milliers ou peut-être un million de lettres. Subhanallah al-Azim. Des hasanat, des montagnes de hasanat. Naam, que nous, on s'en fout et on ne les inscrit pas dans notre compte. Alors que demain, quand on meurt, peut-être que Allah Ta'ala te dira, tu allais rentrer au paradis si ce n'est que il te manque une hasana. Va chercher si tu peux trouver quelqu'un qui te donne une hasana. Et ce jour-là, tu vas commencer par ta mère et ton père. Donnez-moi une hasana, s'il vous plaît. Et tout le monde va te dire, toi c'est qui? Je te connais pas, je t'ai jamais vu. Tu me dis, subhanallah, tu n'es pas ma mère. Je te dis, c'est impossible. Ici, il n'y a pas, tu me donnes ou je te donne. Ici, c'est ma peau. Attends que je me sauve moi. Ensuite, si j'ai quelque chose, je verrai. Et c'est sûr que même si ta mère va aller au paradis, elle ne va pas te donner des hasanat si elle a en plus. Car plus tu as du hasanat, plus tu vas monter dans le paradis les rangs. Elle va dire, au lieu d'être au deuxième étage, pardon ma fille, moi je voudrais être au 20e étage. Si je te donne une hasana, je vais descendre du 20e au 2e. Moi je préfère le 20e, ça c'est le paradis. Il fallait te préparer dans la vie. C'est pas maintenant que tu vas me dire, donne-moi les hasanat. Imaginez combien de hasanat passent par jour, nous qui ne lisons pas le Coran. Subhanallah al-Azim. Ensuite, il a dit, il a dit donc, Anzalnahu, ce Coran, il a dit, on l'a fait descendre. On l'a fait descendre. Bien sûr, vous connaissez tous les versets qui disent que le Coran était descendu. On l'a dit tout à l'heure, inna anzalnahu fi laylatil qadr, tanzilun, et comme ça. Naam. Tayyib. Ce Coran, Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Hashr, page 21, il a dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Al-Hashr 21. Allah Ta'ala, écoutez ce qu'il a dit dans le Coran en parlant du Coran. Et si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah et s'effondre. Subhanallah al-Azim. Si on avait descendu ce Coran sur une montagne, cette montagne s'humilie et s'effondre, elle devient quoi? Elle devient miette. Tellement quoi? Tellement, yani c'est azim ce Coran. Tellement c'est sublime. Je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on lui avait pas ouvert la poitrine et lavé le cœur quand il était jeune, il n'aurait jamais pu supporter ce Coran. Malgré cela, quand Jibril venait, il trouvait beaucoup de difficultés quand il lui revenait le Coran. Au point où il suait dans les journées les plus froides. Il suait tellement si difficile. Imagine la montagne qui s'écoule si elle entend le Coran. Et Allah Ta'ala le fait descendre sur elle. N'a-t-il pas dit dans le Coran, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va descendre sur toi une parole lourde. C'est pour ça que quelqu'un a dit à l'imam Malik, il lui a dit, si vous permettez, j'ai juste une question, facile comme ça, facile, légère. Imam Malik lui a répondu, il n'y a pas de léger dans le Coran. Allah Ta'ala a dit que nous allons descendre quelque chose de lourd, une parole lourde. Non, il n'y a pas de logique dans le Coran. Maintenant, si ce Coran est tellement lourd que s'il descendait sur une montagne, elle deviendrait miette. Qu'en est-il des cœurs qui lisent le Coran, entendent le Coran et ne ressentent rien? Cela, Allah Ta'ala dit d'eux. Ensuite, vos cœurs se sont endurcis. Naam. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où surgissent des ruisseaux. Il y a des pierres qui se fondent pour qu'on surgisse l'eau. Et il y a des pierres qui s'affaissent par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Les ulama disent, quand tu marches comme ça, dans un endroit où il y a par exemple des montagnes, naam, les Pyrénées, etc., et tu commences à voir des rochers qui descendent. Subhanallah, tout seul, le rocher a bougé un peu et commence à descendre d'en haut. Ils ont dit, ça c'est la crainte d'Allah. Par crainte d'Allah, ce rocher a eu peur et il est descendu. Naam. Vous voyez qu'il y a des rochers qui se fondent pour faire sortir l'eau, subhanallah l'azim. Et il y a des pierres aussi, naam, d'où surgissent des ruisseaux. Et pourtant, il y a des cœurs plus durs que ces pierres et plus durs que ces rochers. Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'afiyana. Naam. Lorsqu'on parle de la montagne, il a dit, si on avait descendu ce Coran sur la montagne, alors tu aurais vu la montagne khashian, yani, humiliée. Mutasaddi'an, en train de s'effondrer, subhanallah al-azim, pour devenir miette, comment se fait-il que la montagne s'humilie et devienne quoi? Et devienne comme des miettes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la montagne a une perception. La montagne a une perception et a des sentiments. Elle ressent, c'est pour ça qu'elle a peur, ensuite qu'elle éclate et qu'elle devient miette. Naam, ça veut dire que quoi? La montagne a quoi? A des sensations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, en passant devant Uhud, la montagne d'Uhud, qui ne connaît pas la montagne d'Uhud. Beaucoup d'exemples, beaucoup de hadiths ont été donnés sur la montagne d'Uhud. La montagne de Uhud, déjà la bataille de Uhud. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la montagne de Uhud? Et le hadith, c'est le numéro 4422 dans le Bukhari et 1392 dans le Muslim. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit هذا جبل هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous avez entendu ce qu'il a dit le prophète عليه السلام en parlant de la montagne de Uhud? Il a dit هذا أحد. Cette montagne qui s'appelle Uhud, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Bon, nous on aime la montagne, c'est pas grave. J'aime la montagne, j'aime la forêt, j'aime la mer, j'aime le ciel, j'aime les étoiles, j'aime le soleil. Mais ce qui est intriguant ici, surprenant, c'est une montagne qu'on aime et qui nous aime. La montagne nous aime. Donc ça, c'est un délire quoi? C'est un délire que la montagne a des perceptions. Mieux encore, je vous apprends la règle. Toute personne qui dit, qui croit ou qui atteste que el-jamadat, c'est-à-dire les choses, les arbres, les cieux, le soleil, les montagnes, les choses, hein, comparées à l'être humain. Toute personne qui croit que les choses n'ont pas de vie, elles disent, ça c'est inerte, ça n'a pas de vie. On leur dit, attention, vous avez fait une faute, une grave faute. C'est quoi? On leur dit, elles ont une vie, ces choses-là, mais une vie que nous, on ne comprend pas. Attention. Ces choses-là, elles ont une vie, et elles ont la perception, et elles ressentent. Mais nous, on ne comprend pas et on ne sait pas comment ces choses ressentent, etc. Vous allez dire, subhanallah, à ce point, quel est le délil? Je vais vous dire, il y a un délil. Il y a beaucoup de délil même. Il y a beaucoup de délil même. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Alam Tara, ne vois-tu pas? أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. سورة النور verset 41. Ne vois-tu pas que Allah Ta'ala lui fait le tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qui le fait? Man fi samawat, tous ceux qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux? Les anges qui sont dans les cieux. Wa man fi al-ard, et qui sont sur la terre? Qui sont sur la terre? Ce n'est pas seulement les êtres humains. Les arbres, les montagnes, tout ce qu'il y a sur la terre. Fait le tasbih à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il a dit wa at-tayr, wa at-tayr, les oiseaux. Sa fête bien alignée. Ensuite, il a dit Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Tout ces choses dont je viens de citer, naam, naam, Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Naam. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que les oiseaux déploient leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'il faut. Regardez ce qui est très important. Et glorifié, Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sont dans la terre, ainsi que par les oiseaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Naam. Chaque chose, chaque animal, chaque arbre a une façon particulière de glorifier Allah et de l'adorer. Ensuite, il a dit Allah sait parfaitement ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Ça veut dire vous ne savez pas. Naam. Moi, je ne vois pas qu'on fait les louanges à Allah. Je ne vois pas, je ne sais pas comment un arbre fait quoi? Fait la salat, fait l'adoration à Allah. Alors que tous ceux-là font l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah ta'ala dit dans un autre verset, que je n'ai pas ici, surat al-Hajj, je sais qu'il se trouve dans surat al-Hajj, où il dit que, attendez, je cherche comment qu'il commence déjà. Il y a un autre verset où il dit, les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne lui célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Mais vous ne comprenez pas les façons, leur façon de glorifier. Donc vous avez remarqué, il a dit les sept cieux et la terre et tous ceux qui s'y trouvent célèbre la gloire d'Allah. Et il n'existe rien, rien. Ni l'arbre, ni le mouton, ni la mouche, pardon, ni la mouche, non, ni le moustique, ni la fourmi, il n'y a rien qui ne célèbre. Ni la montagne, ni la pierre, ni le soleil, ni les étoiles, qui ne célèbre la louange d'Allah et qui ne fasse l'adoration. Mais nous, on ne sait pas. Comme a dit Allah Ta'ala, il a dit ici, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas une chose que je vais dire que ce n'est pas vrai, elle n'existe pas. Je ne comprends pas une chose, je dis je suis un ignorant et je me tais. C'est pas je dis non. Comment se fait-il que la montagne aime? Comment se fait-il que la montagne ait peur? Comment se fait-il que la montagne s'humilie? Comment se fait-il que la montagne soit déférente et elle a le khushu? Je me tais, je ne sais pas, je me tais. Je ne parle pas dans la chose qui n'est pas ma spécialité, qui n'est pas ma spécialité. L'autre verset qui se trouve dans سورة الحج page 18. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. Ne vois-tu pas que Allah exalté soit-il lui fait ou lui font les louanges? Qui lui fait les louanges? Qui? Vous savez qui? من في السماوات, ceux qui sont dans les cieux, ومن في الأرض, et ceux qui sont sur la terre. Ensuite والشمس, et le soleil fait quoi? Fait Allah subhanahu wa ta'ala les éloges, les louanges. Et le soleil, wal qamar, et la lune, wal shamsu wal qamar, wal nujum, et les étoiles, wal jibal, et les montagnes, wal shajar, et les arbres, wal dawab, et tout ce qui vit sur la terre. Tout cela font quoi? On les louange à Allah ta'ala. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans ses yeux? La terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Subhanallah. Tout cela prosterne Allah subhanahu wa ta'ala. Et adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et ont peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran wa shamsu wal qamar bi husban. Shams wal qamar, le soleil et la lune, avec des calculs. Shams wal qamar. Wa najmu wa shajaru isjudan. Et l'étoile et les arbres se prosternent. Subhanallah al-Azim. Et certains ont dit, Najm, c'est autre chose. C'est toutes les plantes qui n'ont pas de tronc. Ensuite, pourquoi on s'étonne? Pourquoi on s'étonne que la montagne et les arbres et le soleil, etc., ont des sentiments? Pourquoi on s'étonne? Avez-vous oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un tronc sur lequel il s'adossait pour faire le prêche de la Jumu'ah, khutbat al-Jumu'ah? Et un jour, quelqu'un, lui a dit, dans une version, c'est une femme, dans un verset, c'est un homme, il s'appelle Tamim Dari, lui a dit à Rasulullah, on va te construire un mimbar. Comme ça, quand tu montes sur le mimbar, c'est mieux, tout le monde peut te voir, et toi tu nous vois bien, on entend bien, et là, c'est mieux que d'être comme ça sur la terre, yani sur le sol, adossé à quoi? Adossé à un arbre. Il a accepté. Alors la première du mois, le premier vendredi, où on lui a donné le mimbar, il a délaissé le tronc comme ça, disons à sa gauche, comme ça par terre, ou bien il l'a adossé par exemple contre le mur, et il est monté sur le mimbar. Et il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, le prêche du vendredi. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Et comme ça, et comme ça. Ensuite, il commence à entendre quoi? Il commence à entendre un gémissement. Et le gémissement commence à quoi? À grandir. Un petit gémissement, ensuite. Et c'était quoi? C'était le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre qui a commencé à gémir et à pleurer comme un bébé. Pourquoi? Il a senti pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré le mimbar à moi. Pourquoi il m'a délaissé ici tout seul, et moi qui, quand il s'adossait contre moi, je sentais sa chaleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sentais yani sa rahma, sa prophétie. Il m'a délaissé, il est monté sur le mimbar et il a commencé à gémir au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour continuer sa khutbah, qu'est-ce qu'il a fait? Sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu du mimbar, a arrêté sa khutbah, il est allé vers le tronc et a commencé à le caresser comme la mère caresse un bébé quand il tombe et commence à pleurer. À le caresser jusqu'à ce que l'autre il commençait à apaiser, à descendre sa voix, jusqu'à ce qu'il s'étue. Il s'étue comme un bébé, qu'on caresse, et il s'endort. Et il est monté, sallallahu alayhi wa sallam, terminer sa khutbah. Vous voyez un tronc d'arbre qui ressent des choses, qui pleure, qui gémit, jusqu'à ce que le prophète le fasse taire. C'est faut vraiment croire en ces choses. Ce n'est pas comme les koufars. Naam, ils disent cette chose n'est pas vraie. Naam, ça peut pas se faire. On n'a jamais vu un tronc gémir. Naam. Et pourquoi on s'étonne quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de devenir prophète, pendant les premiers temps, les prémices de la prophétie, qu'est-ce qui se passait? Avant de devenir prophète, Allah Ta'ala voulait lui donner les prémices, il lui montrait des choses extraordinaires pour lui prouver qu'il allait devenir prophète. Qu'est-ce qui se passait? Quand il marchait dans la rue, certains endroits, il entendait des cailloux. Subhanallah al-Azim. Des cailloux lui dire Assalamu alaykum ya Rasulullah. Assalamu alaykum. On lui faisait le salam. Les cailloux lui disaient Assalamu alaykum. Subhanallah al-Azim. Un caillou qui parle et qui dit Assalamu alaykum. Ça se fait. Qui ne sait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, quand il mangeait, les sahaba radiallahu ta'ala ont dit, des fois, que quand le prophète mangeait, on entendait la chose qu'il mangeait, par exemple le pain, ou bien le riz, ou bien le blé, enfin, la chose qu'il mettait, qu'il allait mettre dans sa bouche, on l'entendait dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, comme ça, Subhanallah, l'Azim. On l'entendait faire le tisbih. s'il prenait une date, la date disait Subhanallah, Subhanallah, jusqu'à ce qu'il la mettait dans sa bouche. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'était ton nom donc M et que le montant s'humilie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez qu'une fois, Moussa alayhi salam, dans l'histoire que vous connaissez tous, qui se trouve aussi dans le Coran, qu'il n'a pas voulu se baigner, il se baignait dans un lac. Il n'a pas voulu se baigner avec les juifs. Et les juifs se baignaient tous nus. Et chacun regardait la aura de l'autre. Et Moussa alayhi salam était tellement pudique qu'il a décidé de quoi ? De se baigner seul dans un petit lac. Il a mis ses vêtements, il s'est dévêtu, il a mis ses vêtements sur un petit rocher, il est rentré se baigner. Alors bien sûr, les juifs qui disaient que, puisqu'il ne veut pas se baigner avec nous, il a un problème de peau, il a une maladie dans ses parties intimes, ou bien il a des plaques blanches comme ça qu'ont certaines personnes. Regardez les juifs, non. Il ne trouve pas la chose, alors il t'accuse. Tu as ceci, tu as cela. Une fois qu'il est rentré tout seul, se baigner dans un lac, et sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi wa sallam, a laissé ses vêtements sur un petit rocher. Et les juifs sont venus se cacher des buissons pour le voir quand il sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Peut-être que vous n'allez pas croire, mais le hadith il est dans le Bukhari. Je suis sûr que vous tous vous allez croire. Le rocher sur lequel il y avait les habits s'est enfui. Imaginez un rocher en train de courir avec les habits du prophète Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, quand il voit ses habits partir, tellement il est pudique, tellement il a peur qu'il va être comme ça nu devant les gens, etc. Si on lui prend ses vêtements, il court derrière, il sort et il court derrière le rocher, il dit Ya Hajar Taubi, Ya Hajar Taubi, au rocher, mes vêtements, au rocher, mes vêtements. Subhanallah al-Azim. Et là, les juifs ont profité et ont vu le prophète Moussa alayhi salam. Ils l'ont vu et ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'il n'avait pas la maladie qu'il croyait. Allah Ta'ala nous a interdit de faire comme les juifs. Il a dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Il a dit, oh vous les croyants, ne soyez pas comme les juifs qui ont dit de Moussa une chose grave. Et alhamdoulillah, il a dit qu'Allah Ta'ala leur a prouvé le contraire. Les ulama ont dit, quiconque dit d'un messager qu'il a telle ou telle chose qui n'est pas bien, qu'il craigne Allah Azza wa Jal, il a fait comme les juifs. Attention que tu dises d'un prophète ou d'un messager, il avait telle chose qui n'était pas bien, ni dans le corps, ni dans le caractère. Les messagers sont les plus parfaits, les plus parfaites créatures qu'il y a sur la terre. Tu ne dis jamais qu'il a un défaut, ni dans le corps, ni dans le comportement, ni dans le caractère. Non. C'est pour ça que beaucoup de musulmans, jusqu'à de nos jours, font une faute grave en parlant de notre prophète Ayyub alayhi salam, qui est resté 15 ans malade. Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils disent que Allah Ta'ala lui a donné une maladie au point où les vers de terre sont sortis de ses yeux, de ses oreilles, lui ont mangé le corps. Moi je te dis Taqillah subhanahu wa ta'ala, tu as fait comme les Yahoud. Taqillah ta'ala. Comment? Allah Ta'ala donne à un messager des vers de terre comme ça et il le rend dans une image aussi moche que celle-là pour que tout le monde s'enfuit de lui. Qui t'a dit ça? C'est écrit dans le Coran ou bien dans le Hadith qu'il avait des vers de terre? Tu acceptes toi qu'on dise de ton père qu'il avait des vers de terre qui sortaient de son nez et de ses oreilles? Tu acceptes qu'on dise ça de toi? Pourquoi tu l'acceptes de Ayyub alayhi salam, un messager d'Allah qui avait un beau corps et un beau caractère comme tous les messagers? Pourquoi tu dis ça de lui? Pourquoi tu n'apprends pas ta religion et que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu demandes pardon pour que tu, de t'avoir fait ressembler aux juifs? qui disent ça sur leur prophète. Ils disent plus que ça sur le prophète. Ils tuent leur prophète. Ils ont tué combien de messagers? Hein, ils ont tué Yahya, ils ont tué Jean, ils ont tué Naam, Zakaria. Afwan. Donc, le rocher, le caillou ici, le grand caillou, s'est enfui avec quoi? Avec les vêtements de Moussa alayhi salam. Regardez, un rocher qui s'enfuit, et il a couru derrière lui, il a pris un bâton, il a frappé quelques coups. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, a dit dans Sahih al-Bukhari, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que je connais le caillou, je le connais, qui a frappé et qui s'est enfui avec les vêtements de Moussa. Et je sais que il y a dessus 5 ou 6 marques. Donc, qu'a donné quoi? Qu'a donné Moïse, Moussa, au rocher. J'ouvre une petite parenthèse ici. Comment se fait-il que Moïse, Moussa alayhi salam, un nabi, un messager d'Allah, l'un des 5 meilleurs, et que le rocher lui prend ses vêtements, il prend un bâton, il frappe le rocher. Comment se fait-il? Il frappe le rocher. C'est un peu, si quelqu'un va dire, un peu, tu es dans la cuisine, hein, tu oublies qu'il y a la porte derrière toi, tu te retournes, tu frappes ta tête sur la porte. En t'énervant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la casserole et tu frappes la porte. Chah, tu lui dis. Et peut-être même tu insultes la porte et tu la frappes. Non. Ou bien quelque chose, je ne sais pas, qui te fait mal, hein, tu vas prendre un bâton et frapper la chose. Alors que tu es en train de frapper, tu frappes un caillou. Peut-être quelqu'un va dire, Alhamdulillah, Moussa alayhi salam l'a fait. Moussa qui est mieux que moi, qui est un prophète, il l'a fait. Mais pourquoi moi je ne le fais pas? Pourquoi Moussa a frappé un caillou alors lui qu'il est un prophète? Et il savait que toute chose vient d'Allah. Et ça c'est un malheur. C'est venu d'Allah et il a frappé le rocher. Pourquoi moi je frappe pas la porte si elle me fait mal? La réponse, pour bien faire la différence entre ce que tu dis et ce que tu fais, et ce qu'a fait lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a frappé le rocher, car le rocher s'est comporté avec lui comme une personne, comme un voleur qui vient et qui court. Tu cours derrière lui, tu l'attrapes. Maintenant, si j'attrape le voleur ou j'attrape le rocher, c'est la même chose. Non, il a fait comme une personne, il a pris mes vêtements et il a couru, j'ai couru derrière lui. Donc, il s'est comporté avec le rocher comme si c'était une personne. Mais toi, avec la porte, etc., c'est toi qui t'es frappé. Non, c'est toi qui t'es frappé. La porte, elle ne s'est pas détachée. Elle ne s'est pas détachée de la cuisine. Elle est venue te frapper et elle est allée à sa place. Et tu as couru derrière elle. Non, c'est pas la même chose. Il faut bien faire la différence. Et des choses qui prouvent que toutes les choses, comme je dis, parlent et sentent et ressentent et pleurent, etc. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant de certains gens, il a dit que ni les cieux ni les terres n'ont pleuré leur mort. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاوَاتُ. Non, Allah Ta'ala a dit que les cieux, je crois que même il a dit aussi la terre, n'ont pas pleuré. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que le ciel donc peut pleurer. Puisque Allah Ta'ala a dit que pour ces gens-là qui sont morts, ils n'ont pas pleuré. Non. C'est interdit que le contraire donc est vrai. Et, dernière chose pour terminer, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand il était en plein désert et qu'il voulait faire ses besoins, et que tellement il était pudique qu'il avait peur que quelqu'un le voie, une fois qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné comme ça à gauche, à droite, il a vu un buisson assez loin de lui. Et il était comme ça au milieu du désert, il a dit, toi là-bas le buisson, c'est un hadith authentique, toi là-bas le buisson, viens et couvre-moi, viens et couvre-moi. Le buisson est sorti de sa place et a commencé à marcher, est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a entouré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses vêtements, a fait ses besoins, s'est recouvert et a dit au buisson, reviens à ta place. Il est parti et vu au même trou, au même endroit où il était, et il s'est replacé. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait une fois avec un kafir. Il lui dit, tu veux pas croire? Il lui dit, je veux pas croire. il lui dit, tu vois l'arbre qui est là-bas, l'arbre, pas un buisson, tu vois l'arbre qui est là-bas, il lui dit, oui, je le vois. Ici, cet arbre là-bas, je l'appelle jusqu'à ce qu'il vienne ici devant toi. Et il revienne jusqu'à sa place là-bas. Est-ce que tu croirais? Il lui dit, na'am, subhanallah al-azim. Si un arbre va venir de là-bas jusqu'ici et revenir là-bas, je croirais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'arbre, toi, arbre, je te parle, sors de la terre et viens jusqu'ici. Viens jusqu'ici. La terre a tremblé un peu, l'arbre a commencé à se déraciner et il a commencé à venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez avec les racines, comme une pieuvre qui marche avec les tentacules. Comme ça, avec les racines, bougeant un peu vers la droite, vers la gauche, vers, comme un robot comme ça, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et devant l'homme. Subhanallah al-Azim. Et il a fait, ensuite il lui a dit reviens, il a rebroussé chemin et il est allé jusqu'à son endroit où il était et il s'est replacé à sa même place. L'autre a dit Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Non, personne ne peut faire ça. C'est impossible. Ni américain, ni juif, personne ne peut faire ça. Allahu Akbar. Ni un sorcier, ni un djinn ne peut faire cette chose. Un arbre qui se déplace pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam passe et il entend, toi je te parle, viens. Et il entend, subhanallah al-azim. Donc c'est pour dire que quoi? Que toutes les créatures qui sont quoi? Qui sont autour de nous, ressentent et vivent une vie qui leur est propre. Nous, on ne connaît pas leur vie. Si on ne connaît pas, on ne doit pas nier, renier, dire non, elles n'ont pas de vie. On dit si, elles ont une vie, mais moi je ne la connais pas. Allah Ta'ala la connaît. Le prochain dars, inshallah Ta'ala, comme aujourd'hui, sera sur comment les croyants verront Allah Ta'ala le jour du jugement dernier. Je vous laisse, inshallah Ta'ala, on se rencontre dans 5 minutes. J'ai pris beaucoup dans le cours. J'ai pris beaucoup dans le cours. J'ai commencé à 21h chez moi. Il est presque minuit, c'est-à-dire 3h moins 15 minutes. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup tarder dans les questions. Et je ne prendrai que les questions qui ont rapport soit avec le dars, soit avec la aqida en général. Pas les questions du divorce et pas les questions du khola. Mettez le Coran. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.